Question maintenant, frère. Pose ta question. Est-ce que à ce moment où cet esprit de Dieu n'est pas en train d'agir en le prophète, Oui. puisque Que ce soit n'importe quel prophète. oui, que ce Oui. soit n'importe quel prophète, Oui. ou alors est-ce qu'il y a différence au niveau des prophètes, c'est-à-dire que celui qui est prophète c'est-à-dire que consacré prophète, comme il dit à Jérémie, depuis le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais consacré prophète. Est-ce que en Jérémie donc, à un moment T, un temps T, est-ce que cette fonction de prophète disparaît? C'est-à-dire la fonction homme est là. Comme tu venais d'expliquer au cas de Jésus, que lorsqu'il est en train de dire ceci, c'est vraiment l'homme. Est-ce qu'au moment où il est dans l'homme là, la fonction prophète n'est pas en lui? C'est en lui, justement. Mais ça n'agit pas. Ça n'agit pas. Si ça agit constamment, tu vas mourir. Mais c'est un. Mais ça n'agit pas tout simplement. Oui, ça n'agit pas. Je prends un exemple simple. Je crois que si c'est grave comme ça, on regarde les possédés. Prenons un possédé, un fou. Quand un fou est là, il est aligné, il y a un esprit en lui. Quand il veut traverser la route, il regarde, il regarde. Si la voiture ne venait en lui, il court, il passe, il traverse. Qui est en train de fuir là, frère? Donc l'homme là, il a peur de la mort, n'est-ce pas? Quand il finit de traverser, il est de l'autre côté là, il continue à se rabaisse, il ramasse la poubelle. Est-ce que l'homme normal doit faire ça? Donc tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le fou, comme celui de Gadarésien, on voit la marche chapitre 5. Il se meurtrissait chaque fois, n'est-ce pas? Ça, c'est un être humain normal, il ne ferait pas ça. Celui qui prend ça, il fait ça. C'est-à-dire qu'il est sous contrôle. Il est sous contrôle. Maintenant, quand cet état-là est fatigant, son corps est fatigué, il dort. Il dit, non, il faut qu'il passe chercher la nourriture pour manger. Il marche, maintenant, il va pouvoir chercher la nourriture. Ça, l'esprit lui donne des relâches pour qu'il puisse marcher, pour chercher la nourriture, pour manger, pour avoir des forces, pour qu'il puisse taper encore le lendemain. Tu vois un peu le problème? Donc l'esprit s'arrête. Parce que si l'esprit tape constamment, il va souvent mourir. Le fait qu'il est conscient maintenant, il part, il cherche l'eau, il boit. Il prend, il cherche la nourriture, il boit. Ce n'est pas l'esprit là. Ça, c'est l'homme. Parce que c'est l'homme qui a besoin de ça. L'esprit n'a pas besoin de ça. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Alors, lorsqu'on est agi, lorsqu'on est contrôlé par l'esprit, que ce soit l'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme, ce n'est pas permanent. Si l'esprit t'agit de façon permanente, tu vas mourir. Que ce soit le mauvais esprit, que ce soit l'esprit de Dieu. Il dit bien, si l'esprit t'agite et que ce soit de façon. Et quoi que. Maman, laisse. Amène ta chaise comme ça. On fait une petite rotation. Non, c'est bon, il dit que tu parles comme ça. Bon, ça. Il n'y a qu'une seule Bible. Il y a deux. Prends la deuxième. C'est vrai que la Bible est mieux que la reste. Voilà. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment de partage dans cette maison de notre frère Marcelin et sa tendre épouse Françoise, ici à Oja, à Yaoundé. Nous prions au Dieu de gloire que ce moment que tu nous as accordé soit pour ta gloire et pour ta gloire seule. Nous recommandons cette maison et tous ceux qui y sont et ceux qui y entreront par la suite en ton nom et nous les soumettons sous ta direction au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, dis donc par rapport à cette question-là que si l'esprit agit sur quelqu'un de façon constante, tu vas mourir. Parce que ce n'est pas de notre dimension. Ce n'est pas la dimension des esprits ici. C'est la dimension charnelle. Et ici, non, il y a une loi qui stipule que tout a un temps sous le soleil. Il y a un temps où l'esprit doit t'utiliser, il y a un temps où il doit te lâcher. Ne te lâche pas, tu vas mourir. C'est pour ça qu'on a besoin de repos. Parce que quand tu as la capacité de dire, regarde par exemple le cas de Gédéon ou bien tous les, dans le livre des juges. Samson, on dit par exemple que l'esprit de l'éternel commença à l'agiter. Quand on dit commença à l'agiter, ça agit sur lui. Quand ça agit, c'est ce que la Bible appelle pour être rempli du Saint-Esprit. Quand il a ça, il a la capacité de Dieu. Il peut prendre quelque chose, il tue 1000 personnes. Si c'est sur lui, il va continuer à tuer. Continuer à tuer jusqu'à ce qu'il ait fini de tuer. Or, quand ça finit de tuer 1000 personnes, bam, il lance tout au sol, l'esprit le lâche. Donc la capacité de Dieu est partie. Après, il dit, qui a fait tout ça? Parce que si ce n'est pas la force humaine, il ne peut pas faire. Tu ne peux pas constamment faire comme ça. Ce mouvement-ci, avec ce mouvement-ci, tu vas finir par te fatiguer. Pour cela, il faut que quelqu'un d'autre soit sur toi pour te pousser à faire cela. Tu vois. Donc, quand l'esprit ajuste quelqu'un, il pousse la personne pour faire exactement ce qu'il a à faire dans un bref temps, selon le temps qu'il dispose ces choses. Après, l'esprit. Pour le prophète, donc, le prophète n'a pas l'esprit qui vient sur lui. L'esprit du prophète est constitué différemment de l'esprit des êtres humains. Tu comprends ce que je viens de dire? L'esprit des prophètes, il y a l'esprit de l'homme. Il y a l'esprit des prophètes qui est revêtu là-dedans. Quand c'est lui qui veut agir, tu vois par exemple, un roi, chapitre 13, on parle du vieux prophète et du jeune prophète. Dieu dit au jeune prophète que quand tu vas aller dans ce lieu, après sa prophétie, ne pars pas par le chemin où tu vas partir, que tu es venu, et ne mange pas dans ce lieu-là. En chemin, il fut rencontré par un vieux prophète, alors qu'il rentrait. Il dit, un ange du Seigneur m'a dit que tu viens. Un ange, oui, parce que les anges ne mangent pas. Ils ne courent pas là-bas. Pendant qu'ils allaient manger, le monsieur lui sert de la nourriture. Il s'assoit à table comme ça. Là. Dieu est passé par où pour parler à ce jeune prophète? Il dit, Dieu est passé par où pour parler à ce jeune prophète? Ce sont ces choses qui sont complètes dans les Écritures. Ouvrons là pour voir. Parce que je vous regardez comme ça, comme s'ils sortaient du ciel. Non, je me rappelle un peu là. Je crois que c'est de cette histoire qu'on parle, puisque je sais que deux rois. Un roi, chapitre 13. Il veut qu'on parte directement là où le monsieur, quand il a commencé à manger. Un prophète, tu es pas un lion. Attends. Voilà. Prenons à partir du vieux prophète. Voici. Ok, lisons à partir du verset 11. Comme le lit. Il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui et racontaient tout. Donc nous sommes dans 1 Samuel chapitre 1, roi chapitre 13, à partir du verset 11, tout ce qui nous écoutait. Il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père. Il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en est allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âme. Et lui scellait l'âme et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un télérinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors, déjà la question que cet homme-là lui parle, il dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? C'est l'être humain qui a parlé. Quand c'est un prophète, il connaît. C'est le prophète connaît. Quand il est dans la fonction du prophète, il connaît. En continuant. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain. Je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Oui. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Voilà la parole qui montre que c'était un jeune dans le ministère. Que c'était vraiment un jeune. Il n'est pas mature. Il n'a pas besoin de lui dire cela. Je dis tout simplement que je ne viens pas y rester tranquille. Parce qu'il sait ce que Dieu m'a dit. Il n'a pas besoin de dire que Dieu m'a dit que fais comme ça. C'est ça qui montre vraiment sa jeunesse. Vraiment sa jeunesse. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain. Regarde-moi. Il ment au nom de Dieu. Il ment au nom des anges. Depuis que tu lis l'histoire, il est sorti du champ. Il a vu un ange. Non. Il a menti au nom de Dieu. Ça, c'est long. Jusque-là, c'est long. Pourtant, il est prophète. Il est prophète. C'est pour ça que c'est bizarre. L'affaire de Dieu, c'est là. Il faut vraiment faire attention. Maintenant, le Saint-Esprit dit clairement, après savoir ce qu'il a sur sa bouche, qu'il lui mentait. Regarde, lis. On n'a pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Il est vraiment frère. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi. Il dit que lui à haute voix, il est encore plus bas. Et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Bon, tu as vu, il veut que vous souligniez dans votre Bible. Ce livre. Donc la Bible dit clairement que là, il mentait. Il lui mentait. Vous avez vu ça, hein? Il lui mentait. Et donc, quand quelqu'un pourra dire demain. Parce que l'esprit du prophète ne peut pas mentir. Voilà. Donc, quand quelqu'un pourra dire que le prophète ment. C'est pas possible, le prophète ne peut pas mentir. Ça sera difficile donc d'amener. On va te ramener donc dans le. Ce n'est pas le prophète qui a de mentir, c'était l'homme-là. C'est pour ça qu'il faut faire la distinction entre l'esprit du prophète et l'esprit et l'être humain. L'homme. Ça, c'est l'homme-là. C'est l'homme qu'on appelle vieux prophète. C'est l'homme-là qui mentait, c'est pas le prophète. Parce que le prophète est différent de lui. Continuons, on va voir quelque chose tout à l'heure. C'est pour ça donc qu'il faut soumettre son esprit vraiment à Dieu. Absolument. Non, lui, il n'a pas besoin de cela. Lui. On va finir ici, on va aller dans un autre cas. Mm-hmm. Qui est encore merveilleux. Allons-y. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et lui de l'eau dans sa maison. Mm-hmm. Quand ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée. Attends, arrêtons d'abord, là, il y a encore un problème. Mm-hmm. Tu es prophète. Je suis prophète. Tu es le jeune prophète auquel Dieu a parlé. Mm-hmm. Je suis, il vient de dire convaincre. Dieu t'a déjà dit quelque chose. Oui. Quand Dieu t'a déjà dit, petit changer, parce qu'il lui a donné l'instruction. Mm-hmm. Comme tu vas partir, un, ne rentre pas par le chemin, ni mange pas de pain, ni quoi que ce soit. Passe par un autre chemin, tu y pars. Dieu a dit, c'est déjà réglé. Il vient de dire qu'un ange, que ça, toi, c'est Dieu qui t'a dit. Mm-hmm. Moi, il vient de dire que c'est un ange de Dieu qui m'a dit que, il vient de dire que tu viens. Mm-hmm. Tu ne peux pas changer. C'est un ange qui vient de dire autre chose, autre que Dieu a dit, c'est un menteur. Il rentre maintenant par ce chemin-là. Il pose la question de pourquoi il a de lui parler. Pourquoi Dieu, en tant qu'avec l'esprit des prophètes, pourquoi n'a-t-il pas été en concert avec Dieu pour savoir si oui ou non, celui-ci allait le mentir ou pas? Parce que, et en tant qu'homme, l'homme l'a menti, il est resté tranquille, il l'a dit, comme il a dit, c'est Dieu, je crois. Mm-hmm. Tu as vu cela? Mm-hmm. Il a subi dans cette bêtise-là. Continuons. Il rentre. Il mangea du pain, c'est-à-dire que pendant que tu es en train de parler, je réalise notre erreur de tous les jours. Oui. C'est-à-dire comment nous avons été manipulés par ces gens-là. Voilà. Il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Voilà. C'est pour ça qu'il posait la question, comment on ne me répondit pas, c'est pour ça qu'on a ici. Il dit, quand ils étaient assis face à face, en train de manger, Dieu est passé pour parler. C'est là où ça devient encore compliqué. Continuons. La parole de Dieu est passée comment? Est venue comment? Parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Mm-hmm. Donc, il dit, au vieux. Voilà, continuons. Et écrit à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Donc le jeune prophète, n'est-ce pas? Mm-hmm. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle. L'ordre de l'Éternel, oui. Et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et tu as bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit. Mmh. Tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau. Mmh. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Mais je pose la question. La voix que le jeune allait de parler vient de qui? De quel corps? Suivez attentivement bien. Il veut que vous voyez ma question. Voici deux gourdes ici. On va prendre la gourde aussi comme celle-là utilisée. On considère ça comme le vieux prophète. Mm-hmm. Voyez attentivement. Celui-ci qui est une œuvre comme le jeune prophète. Mm-hmm. Ils sont face à face à la table en train de manger. Dieu passe par qui pour parler à celui-ci? Dieu passe par le vieux prophète. Donc ça veut dire que c'est ça. C'est de sa bouche qu'il a de parler à celui-ci. Et ses oreilles entendent. Et c'est de cette même bouche-là. Et c'est lui qui lui a dit que Dieu lui a dit de venir manger. Oui. Et c'est de cette même bouche pour dire que tu as désobéi à Dieu. Mm-hmm. Et comme tu as désobéi à la parole de l'Éternel, qu'il t'avait dit de ne pas faire telle chose, voici ainsi par l'Éternel, tu mourras, tu n'entreras pas dans le sépulcre. C'est pas ça? Oui. Qui a dit de parler? Au dernier moment. Il a la voix là. C'est Dieu. C'est Dieu. Qui parle? Qui parle au travers du Dieu. Au travers du propre prophète. Dieu lui a-t-il reproché quelque chose du fait qu'il lui ait menti? Non. Parce qu'il ne peut pas reprocher quelque chose au prophète. Ce n'est pas le prophète qui avait dit, Dieu m'a parlé. Ça, c'était l'homme. Tu vois cela, hein? Oui, je vois. Il dit, tu as compris. La Bible déclare que Jésus est le Dieu des esprits des prophètes. Il les tient dans ses mains pour les utiliser comme il le veut. Alors, celui-ci, quand il causait, il mangeait à table, comme nous sommes allés manger là-dedans. Quand il mange, ce sont les êtres humains. Gars, tu as mangé comment pour acquitter les gaz à jusqu'ici? Il mange. Après, subitement, il entre en scène. Quand il entre en scène, celui qui mangeait tout à l'heure, qui posait les questions de la vie quotidienne, n'est plus lui. Ça n'a rien à voir. On dit, la parole de l'Éternel est venue au prophète. Quand ça vient à lui, ça suppose que Dieu l'appelle maintenant, il l'enchaîne pour manifester. Dieu l'enchaîne pour manifester. Et quand le prophète est sous cette onction-là, il n'y a plus le contrôle sur la chair. Je prends, c'est plein dans la Bible, tous les exemples des prophètes dans la Bible montrent ces choses-là. Non, frère, ça m'amène vraiment à comprendre une chose. Mm-hmm. Ça veut dire que, comme tu as dit, la nourriture ici mm-hmm. n'est importante que pour la chair. La chair. Mm-hmm. Ça veut dire que les histoires que les gens organisent, la nourriture des grands pasteurs, c'est-à-dire que la place qu'on donne aux grands pasteurs, pendant, oui. pendant, ça n'a rien à voir. Ça, c'est les histoires, ça n'a rien à voir. Prends l'exemple d'Isaac. Qui est prophète, le premier, le fils bien-aimé d'Abraham. Il est vieux, avancé en âge. Il ne voit plus. Il ne voit plus. Ça, c'est physiquement. Il a deux fils, Ésaü et Jacob. Il est censé bénir le premier-né. Et le premier-né, c'est Ésaü. Ils sont nés avec distinction. L'autre est poilu. Et son odeur est différente. Il est comme un âne sauvage. Son père dit... Je vais me coucher parce qu'il sait que le mois est arrivé. Il dit, je vais me coucher. Va, je fais un gibier comme j'aime souvent là. Que je mange et que mon âme t'est béni. Remarque, il n'a pas dit que je t'ai béni, que mon âme t'est béni. Donc ça veut dire qu'il est enceinte de la bénédiction. Il a quelque chose à relâcher. C'est surtout en lui. Mais donne-moi quelque chose à manger. Quand sa maman entend ça, il arrache la peau, il met comme ça pour que quand il va tendre la main, qui lui a dit que quand ça, il va venir, il va toucher sa main pour chercher. Il touche comme ça le poil. Je veux que soyez vraiment minutieux pour me vraiment saisir ici. Quand il finit là, sa maman fait le gibier là rapidement. Le gars Wanda, son quand il a vraiment. Prends ça, va de là, ton père, que tu bénisses. Attache ça. Il porte le habit de peau. Quand il vient, il dit ben. Le gibier maintenant, même qu'il demandait, tu allais chasser maintenant jusqu'à l'entrée. Ça, ça devait être suffisant pour savoir que ce n'est pas lui. Mais il était aveugle, n'est-ce pas? L'homme était aveugle. Le prophète n'est pas aveugle. Mm-hmm. Tu peux percer les yeux d'un prophète comme ça, il voit. Oui. Il dit, mais tu peux percer ses yeux comme ça, il voit. Mm-hmm. Le cas de Ikeja là-bas, a dit à Ikeja dans le livre du roi ici, est un problème. Quand Jéroboam va dire à sa femme, masque-toi, on ne t'a fait pas sur une personne. Avant d'arriver là-bas, elle dit que femme de Jéroboam entre, pourquoi tu ne fais pas passer une autre personne mm-hmm. alors qu'il ne voyait pas, mm-hmm. n'est-ce pas? Ah, je dis, ok, l'enfant pour lequel tu es venu. C'est le cas d'Élisée qui demande à l'Éternel d'ouvrir les yeux de Géasi. Alors qu'il a les yeux ouverts. Mm-hmm. Donc tu as les yeux ouverts, tu es aveugle. Lui, les yeux fermés, mais c'est ouvert. Voilà. Alors, Isaac, il dit, mais le simple fait qu'il y a un petit bout de temps par rapport à aller dans une distance, parce qu'ils habitent quelque part pour aller chasser, c'est dans la forêt. Pour aller chasser dans la forêt, trouver un gibier, venir faire cuire, rentrer dans l'âge de temps, lui a été surpris. Mais l'homme avait fait place au prophète. Suis attentivement. Alors quand il prend, il finit de manger. Il dit, mais la voix, il dit, papa, père, voici, j'ai fait ce que tu as demandé. Il dit, mais la voix est la voix de Jacob. Mais les actions sont les actions des aïeux. Il était dans l'embarras, n'est-ce pas, frère? C'est pas comme ça, c'est Dieu qui a l'œuvre là. Mm-hmm. Alors il touche la main, il dit, apporte-moi. Ça, c'est l'odeur des aïeux. Mais comment la voix des aïeux a pu changer à la voix de Jacob? Le prophète a mis la main. C'est pour ça que je dis, regardez bien la différence entre le prophète et le papa. Si c'est le papa, il devait dire, je vais voir ton frère Jacob ici. Mm-hmm. D'accord? Mm-hmm. Si c'est le papa, il devait dire que, ok, appelle ton frère Jacob. Parce que si les deux enfants là, là tu peux bénir l'un et puis faire la bénédiction sur l'autre, n'est-ce pas? Alors pour distinguer qui est le vrai, qui est le faux, il dit que appelle-moi Jacob. Les deux devaient être là, ils te touchent comme ça. Il peut toucher même les deux comme ça. Il sait que l'un est poilu, l'autre n'est pas poilu. Mm-hmm. Il devait mettre Jacob en mal là, dans cette histoire-là. Mm-hmm. Il n'a pas fait cela. Il a touché quand la main était poilue. Il a dit que, ah, il dit, écoute, mais c'est pour montrer que quelque chose a quitté Isaïe pour Jacob. Il dit que la voix est celle de Jacob. Mais le corps, le deuil, là, c'est celui d'Isaïe. Il dit, ok, il était béni. Il a donné toutes les bénédictions. C'est ici qu'il veut toucher le poil. Quand il donne toutes les bénédictions, on dit, parce que quand il a dit cela, il disait ça à Isaïe. Isaïe était encore à la chasse. Il est allé, le temps qu'il a fait comme ça, toutes les actions se sont passées. En rentrant avec la nourriture, vient. Il dit, père, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Il dit, hé, qu'est-ce qui est passé là tout à l'heure? Isaïe a compris que son frère l'a eu. N'est-ce pas? Isaïe dit, je l'ai béni aussi, il sera béni. Donc comme j'ai dit, ça sera comme ça. La Bible déclare qu'il éleva la voix et pleura. Père, c'est ce que je vais pas dire quelque chose. Mon père, n'y a-t-il pas une autre bénédiction surtout pour réserver pour moi? Il a mis la main sur lui. Il dit que tu seras esclave de ton frère. C'est normal qu'elle ne te mette pas comme ça son fils. Parce qu'en fait, c'est que quand il ouvre la bouche pour parler, ça n'est plus lui qui parle. Ce n'est pas, un appel de sentiment. Quand ça se fait un sentiment, tu vas dire que oh mon fils, que Dieu aussi te bénisse, qu'il te souvienne de ton nom. Il n'a pas dit une seule chose là, comme ça. Parce que c'est l'esprit du prophète qui était là, dans le balai. Parce qu'en tant que père, en tant que papa, il pouvait avoir pitié de lui dire quelque chose. Mais ce n'est pas le fait d'avoir pitié, le fait que ça fonctionne. Même parce que consolation, il n'a pas dit de parler de consolation là-bas. C'est ça que le gars a pleuré amèrement. Il a dit dans son cœur que la Bible déclare qu'il conçut de la haine pour Esaü, pour Jacob son frère. Il disait dans son cœur que le jour du deuil de mon père va se finir, je vais le traiter. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Je pose la question. Pourquoi le papa, nous aujourd'hui, quand tu fais bénir ton enfant, même si l'enfant a fait le père, je te dis, Seigneur, il te le recommande entre tes mains. Si tu dis comme ça, si c'est le prophète, il ne fera pas comme ça. Il dira ce qui va arriver dans son avenir. Et quand il dira, c'est cette parole qui dictera son avenir. Tu as vu cela? Oh, je voudrais te parler ici pour montrer que voici un être humain qui a ses deux enfants. Il bénit un va bien pleurer. Malgré qu'il entend son enfant ne pleure, malgré qu'il a mangé sa nourriture, il mange sa nourriture pour nourrir ses chairs-ci. Mais quand l'esprit pouvait parler, il dit ce qui est vrai. Son enfant. Donc c'est différent. Si c'était l'homme qui pouvait faire telle chose, la faire n'importe quoi, quand il veut, il peut modifier le cours de l'histoire. Mais c'est comme c'est l'esprit de Dieu, il a donné le programme de Dieu pour lui. Il a donné ce qui est écrit dans le livre pour lui. Et il ne peut pas faire autrement. Voilà. On peut continuer là. La lecture là. Il y a une prophétie qui va être donnée de lui. On ne t'enterrera pas dans le sépulcre. Tu n'entreras pas dans le sépulcre de tes pères. Oui. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, oui, il sera l'âme pour lui. Ah, donc tu vois, il finit de lui dire ça. L'esprit du prophète quitte la salle, il continue à manger. Il mange, lui-même encore va arranger l'âne. La lâne a monté. Le grand. Tout le monde ne te dit pas, continuons. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici, les gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre. Et ils en parlaient à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit et dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Mais il y a quand même une question que je voulais poser là. Oui. Attends, il pose d'abord une question avant que tu te poses. Oui. Il est sur l'âne. Le lion vient le cueillir sur l'âne. Le tueur laisse l'âne qui est l'animal. Parce qu'on dit clairement qu'il a fini de tuer, il a sacrifié le cadavre. L'âne est aussi là-bas. Le lion ne s'occupe pas de l'âne qui est l'animal que normalement il devait manger. Nous sommes d'accord. Oui. Ce lion-là, qu'est-ce qu'il prend? Non, c'est Dieu qui est en train d'agir. Voilà. Donc Dieu peut contrôler n'importe quoi. Oui, oui. N'importe quel animal. Voilà le lion. Parce qu'on dit que les gens passent, ils voient le lion à côté du cadavre. Le lion n'attaque personne. Il ne mange pas. Il ne fait pas quoi ça. Il ne mange pas l'âne. L'âne est aussi là, il attend que comment le prendre. Qu'est-ce que Dieu veut nous montrer, frère? Pose ta question. Désobéissance, non? Désobéissance à la parole. Pose ta question alors. Ma question, c'est le vieux prophète, oui, qui, dès le départ, lorsqu'il a appris que t'as dit, je voulais un peu. T'as dit, c'est ça que je veux comprendre. Dès le départ, quand les enfants sont venus, il y a un prophète qui avait peut-être qu'il faut que je. Oui, oui, ses enfants sont rentrés. J'ai dit qu'on a voulu expliquer ce qui s'est arrivé avec Jéroboam quand il a prophétisé. Parce que Jéroboam a tendu la main, ça va, c'est devenu la lèvre. La main s'est retirée. Oui. Les gens ont entendu ça, ça a parcouru la ville. Oh, le vieux prophète était allé au champ. Alors, quand ses fils ont dit que. Parce qu'ils savent que leur père est prophète. Il y a un homme de Dieu qui est venu de Juda ici. Là. Il a traité Jéroboam. Il dit, hein, il n'allait pas où? Il n'est pas comme ça. Il dit, ok, laisse-moi aller chercher. Il faut bien aller chercher. Voilà, donc à partir de là, donc, à partir du moment où il pose la question à ses enfants, que il est parti par où? Je voulais savoir, qu'est-ce qui le motive, puisqu'il va, il va mentir. Justement. Est-ce que c'est Dieu a donné la mission au petit prophète, qui est venu accomplir la mission, sur Jéroboam. Maintenant, il a reçu les instructions de Dieu. Est-ce que Dieu savait déjà que il ne va pas respecter cette parole? Ça c'est clair. Puisque la première année qu'il a donné une injection de ne pas manger, de ne pas boire, quel est le rapport? Tu finis pour dire normalement, tu as sorti de boire. Donc ça veut dire que le mensonge du vieux prophète. Oui. Ça veut dire que le mensonge du vieux prophète est contrôlé dans sa mission. C'est Dieu faisant toutes choses. Arrive-tu une malheur sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? À moins que tu vas faire dire la parole autrement. Maintenant, je viens de poser une question aussi. Si tu peux répondre. Pourquoi dans cette ville-là, il y a un prophète, Dieu a débauché quelqu'un de l'autre pour aller faire la parole, nous dit. Pour aller faire quelque chose. On venait de se rendre compte qu'il rentrait du champ. Avant que ses enfants lui ont dit ce qui est arrivé là-bas. Mais ce prophète sort de Juda, marchant dans le désert pour arriver jusqu'à ce plan, pour aller dire ça au roi. Pourquoi Dieu n'a pas utilisé celui-là qui est là-bas? Parce que la Bible nous a montré que Dieu l'utilise. Pourquoi tu ne l'as-tu pas utilisé? Il a choisi quelqu'un que quelqu'un vient là-bas pour venir l'utiliser, pour venir l'utiliser. Pourtant, il a un serviteur sur place. Ça veut dire que même si quelqu'un est loin de Dieu, s'il est en faute devant Dieu, c'est devant Dieu qu'il va lui être corrigé par un être humain sur la terre. Ça veut dire que c'est un prophète qui peut juger un prophète et non un être humain. Même si l'épisode se montre que cet homme-ci était en compromission devant Dieu. Mm-hmm. Que cet homme-ci était en compromission devant Dieu. Mais il est prophète. Oui. Mm-hmm. Cet épisode se montre clairement qu'il était en compromission devant Dieu. Mm-hmm. Mais il n'en demeure pas moins que le prophète. Dieu l'utilise. Oui. Moi, je suis un peu. Est-ce que c'était comme un piège pour ce jeune prophète? La Bible déclare dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, qu'on peut lire maintenant. Mm-hmm. Aucune tentation à vous. Hey, ça, c'est un ancien. Il connaît exactement ce qu'il écrit là-bas. Continuons. Continue à citer. Aucune tentation à vous, je veux dire qu'il n'a été humain. Mm-hmm. Oui. Mais avec la tentation, Dieu nous donne le chemin de nous en sortir. Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Voilà. Or, Jacques chapitre 1 nous dit clairement, verset 11 à 13, que Dieu ne tente personne, n'est-ce pas? Quand il y a un tentateur, parce que la Bible est clairement dit que Satan est tentateur, n'est-ce pas? Donc la tribu du tentateur, c'est Satan. C'est vraiment lui qui demande à Dieu. Mais va le tenter ton prophète pour voir ce qu'il en a. Le diable a tendu un piège. Voilà, sous la direction de Dieu. En passant par le vieux. Voilà, c'est ça dont il est question. Parce que Dieu ne peut pas tenter. Mais est-ce le vieux là aussi, un vieux prophète, oui. qui fait ça, qui ment comme ça, on le laisse. Dieu le laisse. Il va le laisser parce que c'est un prophète. Il ment jusqu'à il met l'autre dans le tchoupi. Il est utilisé. Je vais te poser une question. Si tu le prends, nous sommes au chapitre 13 là maintenant. Ou rentrons au chapitre 11. Pourquoi tu fais des amours comme ça, frère? Non, vous savez que toute cette histoire est déjà en train de nous. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que nous devons faire. Il est. Lisez ma partie verset 1 du chapitre 11, à haute voix, frère. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites. Tu as vu la ville, tu as vu le peuple de partir chez ces femmes, non? Mm-hmm. Continuons, lisons. Des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Je te prends d'abord là-bas. Il y a qui sur la tête qui a eu la sagesse que cet homme s'y a eu? L'Esprit de Dieu le guidait-il? Oui. Pourquoi il partait vers directement vers les femmes que Dieu, dans les nations où Dieu a interdit? Les gens ne parlent pas de poser ça parce que tu étais étonné du fait qu'il dit et comment il a menti comme ça. Il dit parce qu'il est prophète. Dieu a fait comment? Il dit ok, allons ici voir. À l'époque, allons verset suivant. À l'époque, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Mm-hmm. Et ses femmes détournaient son cœur. Hein? Et ses femmes quoi? Détournaient son cœur. La sagesse là habitait où? La sagesse que Dieu lui a donnée habitait où? La sagesse est censée habiter où? Dans sa tête. Non, ça c'est l'intelligence ici. Les réflexions c'est dans ici. Dans son cœur. Dans son cœur. Donc les femmes peuvent détourner le cœur même quand la sagesse de Dieu est dans ton cœur. Une femme. Il veut qu'on mesure bien cela. Et c'est lui, Salomon. Il veut qu'on mette le doigt ici là. On va y revenir maintenant. Vous allez voir ce que lui a fait. Ouvrons Proverbe chapitre 7. Proverbe chapitre. Chapitre. J'ai dit Proverbe. Non, pas Proverbe. Ecclésiaste. Chapitre 7. Tant de temps, les écritures, ça me choque dans mon esprit. Ecclésiaste, chapitre 7. Dans notre sœur, trouve. Ma sœur, lis-nous le verset 26 jusqu'au verset 20, jusqu'au dernier. Et j'ai trouvé. Non, prends en haut, le verset qui est en haut. 25. Oui, verset 24 d'abord. 24. Ce qui est loin, ce qui est profond, qui peut l'atteindre? Oui. Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître. Dans quel cœur? Le cœur que la femme a détourné, non? Souvenez-vous de 1 Roi chapitre 11, verset 3. D'accord? On dit que. Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder, oui, et à chercher la sagesse, oui, et la raison des choses, oui, et à connaître la folie de la méchanceté, oui, et la stupidité de la sottise. Oui. Et j'ai trouvé plus arrière que la non, mort. Non, plus amer. Plus amer que la mort. Oui. La femme dont le cœur est un piège. Oui. Et un filet. Oui. Et dont les mains sont des liens. Oui. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe. Stop. Mais le péché. Il lui-même a dit quoi? Celui qui est agréable à Dieu lui échappe. Oui, mais. Mais le pécheur est pris par elle. Donc lui, il a été pris 700 fois. Ça veut donc dire que lui n'a pas été agréable au Seigneur. Alors, ça pose des problèmes. C'est pour ça que dans le livre des Proverbes, donc, il dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Il n'a pas dit celui qui trouve des femmes. Il a dit une femme a trouvé le bonheur. Parce que c'est un don qu'il obtient de la part de l'Éternel. Donc Salomon a arrêté dans sa recherche, il cherchait la femme. Il n'a pas pu trouver la femme. Donc il a quitté la terre sans trouver sa femme. N'est-ce pas, ma soeur? C'est pour ça qu'il a laissé le testament en disant que par derrière, si quelqu'un trouve la femme, c'est qu'il a trouvé, c'est le don qu'il obtient de Dieu. Parce que la Bible déclare, lui déclare là-bas que ce qu'il a fait dans toute sa recherche scientifique, il dit voici le découvrir scientifique, les formules. La première formule, c'est que les femmes qui ont les pieds sur le cœur, qui font les rouges à l'air avec les yeux comme ça là, elles sont plus dangereuses que la mort. Comment tu dis ça, ma soeur? C'est ce qu'il dit devant nous, non? Oui, c'est vrai. Il dit qu'il a fait en observant les choses une à une. Donc, il a observé. Il dit que celui qui est avec Dieu lui échappe, mais le méchant est pris par elle. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut donc dire dans 1 Roi chapitre 11, verset 3? Parce qu'on a dit que ces femmes-là ont détourné son cœur. C'est justement là où le plan avait venu. Oui. Comme la parole lui a été donnée, c'est-à-dire qu'il doit chercher plutôt la femme dans sa commune. Oui. C'est pas pour lui, c'est pour tout Israël. Oui, pour tout Israël. Oui. Donc c'est une loi donnée par Dieu. Oui. Qu'on doit chercher la femme. Dieu avait interdit clairement, vous ne prenez pas les fils pour vos filles, ni femmes pour vos fils. Il a dit clairement, c'est écrit. J'ai envie de poser cette question par rapport à cette loi. Oui. Les autres femmes, les femmes des autres nations, c'est Dieu qui les a conçues. Ça c'est clair. N'est-ce pas? C'est Dieu qui les a créées. Ça veut dire qu'elles sont créées différemment des femmes d'Israël. Non, c'est pas ça. C'est que Dieu, quand Dieu donne une loi. Quand Dieu dit par exemple que les mauvaises compagnies qu'on rebond, mais les personnes qui ont les mauvaises compagnies là, c'est pas Dieu qui les a aussi créées. Oui. C'est pas ça, frère. Et il a même dit pourquoi il interdit. Il a même dit justement que si tu prends le pain là-bas, ils vont vous incliner vos cœurs vers leur Dieu. Donc Dieu, et maintenant les chrétiens aussi disent que je peux pas aller prendre un mondain là et puis je le convertis, comme si tu es devenu le Saint-Esprit. Parce que frère Junior, est-ce que j'ai un musulman là comme ça qui m'aime? Il ne dérange pas, hein. Pour me semer convaincre que j'accepte. On ne peut pas l'amener vers toi. Comme si c'était le frère Junior qui convertissait les gens. Je vais l'amener vers toi, comme tu connais toi la parole là. Je vais lui dire la parole, il a convaincu. Les juifs connaissaient bien la parole. Ils connaissaient jusqu'à manifester les œuvres que Esaïe disait clairement de lui. Ça a permis qu'ils comprennent. Aujourd'hui, il appelle là-bas aujourd'hui. Ils appellent que jusqu'à EPD. Que c'est un homosexuel, un homosexuel. Il dit les juifs. Donc ce type-là est venu diviser les nations. Que c'est un malchanceux. Les prochains fois qu'il vient, on va le traiter encore. Alors, c'est pas pour dire que si quelqu'un donne la parole, ça ne veut pas dire que quelqu'un sera convaincu. Donc, quand quelqu'un dit comme ça, c'est pour vous dire quoi? Il va amener l'homme là pour qu'il essaie d'adopter la doctrine. Quelqu'un peut même venir pour t'épouser en disant que j'accepte ce que tu as de lui dire là, parce qu'il veut, c'est toi qui veux. Quand tu finis de te marier maintenant, pam, il dit qu'à partir d'aujourd'hui, ton truc là cesse. Il dit que oui, Seigneur, pourtant tu dis que la bénédiction de l'Éternel fait en sorte que chacun, c'est Dieu qui t'a donné. Voilà. On commence à citer les versets bibliques. Tu pleures, tu pleures, tu n'as que tes yeux pleurent. Parce que Dieu lui a déjà dit que la prophétie, c'est que si tu vas vers un mondain, il va t'attirer vers lui. Tu vois cela, n'est-ce pas? Maintenant, quand Dieu dit ces choses dans les Écritures, il dit ces choses à Salomon et à tout le peuple. Quelle est la question que tu voulais poser? En disant, parce que tu constatais, tu dis que les femmes de ces nations-là, c'est Dieu qui les a créées. Mm-hmm. Mais les gens que nous vivons avec qui nous voyons, la Bible déclare qu'on disait vous avec ceux du dehors, soyez prudents avec eux. Mais c'est Dieu qui les a créés, non? Oui, ma question. Ils sont sous un esprit. Un esprit les contrôle. Cet esprit les poussera à faire quelque chose pour nous détourner de Dieu. Tout à fait. Parce que nous, qui sommes du côté de Dieu, sommes contrôlés par l'esprit de Dieu. Mm-hmm. Et si quelqu'un n'est pas chez Dieu, il est manipulable par l'esprit de l'ennemi à tout moment. Je suis d'accord. Oui. Maintenant, je voudrais revenir sur ta part par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire. Oui. Dans le grand plan. Oui. Parce que je sais, lorsque on revient dans Romains chapitre 11, oui, on nous dit là-bas que tout Israël sera sauvé, c'est ce que tout oui sera sauvé, et que Dieu a permis qu'eux ils chutent. Oui. N'est-ce pas? Oui. Si alors on considère que Dieu a permis qu'eux ils doivent chuter, mm-hmm, et qu'ils doivent chuter par tout ceci, Salomon qui va vers les nations étrangères, ainsi de suite, oui, toutes ces choses-là. Oui. Voilà leur chute. Oui. Ils ont déjà permis que l'esprit étranger vienne au milieu. Au milieu. Oui. N'est-ce pas? Oui. Ceci est la volonté du grand Dieu. Exemple, puisque dans lui, 1 roi, 1 Samuel chapitre 1 Corinthiens chapitre 8 et chapitre 9, 10, il dit clairement, ces choses leur sont arrivées. Oui, oui. Pour nous servir d'exemple. Oui. Alors, si ces choses sont écrites, on dit que, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes pas arrivés à la fin des siècles. Mm-hmm. Alors maintenant, si ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, c'est-à-dire que c'est programmé, mm-hmm, qu'ils vont faire comme ça pour que je montre les exemples, ils tiennent des prix de leur vie, la Bible. Mm-hmm. Parce que si c'est un peuple saint, s'ils gardaient la sainteté et la loi comme Dieu avait voulu, Christ ne serait pas venu. Alors Dieu aurait sur la terre un peuple qui le sert. Mais la Bible déclare clairement qu'il dit que depuis le jour de la naissance d'Israël, il fut appelé rebelle. N'est-ce pas? Qu'avant de les choisir, ils savaient qu'ils seraient un courroie. Donc c'est pour ça justement qu'il les a choisis. Il leur a dit que quand vous serez arrivé, telle chose va arriver, telle chose va arriver, mais je vais vous envoyer dans une nation, c'est moi qui vais vous retirer là-bas. C'est lui qui le balance comme ça. N'est-ce pas, mon frère? Mm-hmm. Dieu faisant toutes choses, opérant toutes choses. Mm-hmm. Mais ce que nous retenons jusqu'ici, finissons avec l'histoire de Salomon, c'est dans 1 roi chapitre 11, allons verset 4, à l'époque de la vieillesse, on dit au verset 4, à l'époque de la vieillesse. À l'époque de la vieillesse de Salomon, c'est attends, femme, je sais, il faut que je trouve. Verset 4, à l'époque de la vieillesse. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Donc, ça veut dire finalement, Salomon adorait plusieurs dieux, au moins 1000 dieux. Nous sommes d'accord. Oui. À l'époque de la vieillesse de Salomon, à l'époque de sa vieillesse, il a commencé à servir le frère, le seul vrai Dieu d'Israël. Et c'est le frère, seul vrai d'Israël qu'il a servi. Non. Pourtant, si vous lisez la fin du livre d'Ecclésiaste qu'il a écrit, il dit, mon fils, tout ce qu'on peut retenir sur la terre, c'est que craigne Dieu. Fais ce qui est bien, car Dieu amènera toute chose en jugement, soit ce qui est bon et ce qui est méchant. C'est là qu'il a conclu Ecclésiaste. Mm-hmm. À l'époque de la vieillesse, ses femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Continuons. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Oui. Vous nous avez entendu, non? Mm. Salomon alla après Astarté, mm-hmm, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Donc, ça vous intéresse que quelqu'un qui a la sagesse de Dieu dans son cœur commence à dire. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, oui, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Oui. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem, un haut lieu pour Kénosh. Il a construit le grand temple de Dieu. Après, on a construit le petit temple pour les petites divinités aussi. Vous voyez le type. Un de ceux que je vais parler de ces choses, c'est vraiment pleinement et profondément. Oui. L'abomination de Moab. Oui. Et pour Moloch. Oui. L'abomination des fils d'Amon. Oui. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères. Donc, ça veut dire qu'il avait au moins 1000 dieux qui servaient. Nous sommes d'accord. N'est-ce pas, frère? Mm-hmm. Allons-y. Qui offrait des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Mm-hmm. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait retourné son cœur de l'Éternel. Mm-hmm. Il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il pose la question. La sagesse qui était dans son cœur là était où entre temps pendant qu'on le détournait? Vous voyez ce qu'une femme peut faire à quelqu'un qui est onctionné? Juge chapitre 14. Quand on n'a pas saisi ces choses-ci, on ne peut pas comprendre pourquoi l'esprit de Dieu est irrité contre les femmes perverses et étrangères. Imaginez ce que la prédication de Élie et Jean-Baptiste, ce que ça a amené. Juges chapitre 14. Livre de Juges. Juges. Après Deutéronome et Josué. Après Deutéronome, après Josué. Chapitre 14. On va lire les deux ou trois premiers versets. Juges 14. Vous voyez quelque chose encore? Juge chapitre 14. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient multipliées. Allons-y, verset 1. Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit : j'ai eu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Oui. Prenez-la maintenant pour ma femme. Regardez-moi. Qu'est-ce qui arrive aux Juifs ? N'est-ce pas que Dieu a interdit qu'ils prennent les nations là-bas, qu'ils prennent les femmes dans ces nations-là. Ils descendent à Timna là-bas, dans la localité des Philistins. Ils voient une fille donc, elle est plus belle que les filles d'Israël. Et ici, on parle de Samson que Manoir était, et sa femme, ils étaient stériles. Et que l'ange vient dire que tu vas enfanter un fils. Tu, pour cela, tu ne dois pas, les raisons ne passeront pas sur sa tête. Parce que la condition, tu ne dois pas manger de ceci, tu ne dois pas manger de impur, des trucs ici. Jusqu'à ce que, parce que, voilà, c'est un Nazaréen. Alors maintenant, il dit clairement là-bas que celui qui va commencer à délivrer Israël, n'est-ce pas? Donc il vient pour une mission. Regarde là, regarde le choix qu'il va faire quand c'est une femme. Regardez. Vous avez vu ça? Continuons. Et c'est à cause de ces choses, ces femmes-ci, qu'il va finir par elle, par Jésus, crever pour quitter la scène. Moi, j'ai une question. Ça va toujours donner une question chaque fois qu'on va parler. Ça va toujours. Oui, pose la question. Oui, la question, c'est un test que je connais très bien, effectivement. Quand je le disais, mon attention s'est arrêtée dessus. Comme le type-ci, Samson, connaissait très bien la loi là, oui. Qu'il ne faut pas aller vers les femmes étrangères. Son père et sa mère vont même insister, oui. Que non. Est-ce qu'il n'y a pas de femme ici? Mais après, on se rend compte que, comme l'histoire qu'on venait de lire dans voilà, on se rend compte que Dieu était derrière. En fait, lis. Lorsqu'il fut remonté, son père et sa mère lui dirent : n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis. Et Samson dit à son père : prends-la pour moi, car elle me plaît. Ouais. Bon, oui. Tu as vu, donc ça, elle lui plaît, n'est-ce pas? Maintenant, lis le verset suivant, ce qui est choquant. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Voilà! Voilà des trucs qui m'ont, oui. Qui m'ont frappé. Non? Et maintenant, moi, mon problème, c'est. Non, je pense que. Pas que je pense que. Oui. Après toute cette histoire, oui. J'ai conclu que depuis la naissance de Samson. Petite fille, arrête ça! J'ai compris que depuis la naissance de Samson, oui. Depuis son. Comment il devait venir, oui. Dieu a, c'était un instrument. C'était programmé. Voilà, c'était programmé. Dieu a pris cet instrument pour aller faire une mission particulière et sa mission devait arriver à... Mais maintenant, le problème, c'est ma question donc, derrière cette compréhension, était que mais pourquoi Dieu permet que cette mission se passe donc comme ça dans une désobéissance de sa loi? En fait, on touche là au niveau de la souveraineté de Dieu. Que Dieu lui-même peut frayer une désobéissance. Ça peut être blasphématoire ce qu'il dit, on peut considérer ça ainsi, mais c'est la vérité. Et ça, je vais le dire comme le Seigneur Jésus-Christ a dit. Quand il va finir de dire, il va aller avec le Seigneur Jésus-Christ, on va citer ses paroles. En fait, lui-même ferait souvent une désobéissance dans sa loi pour que sa loi s'accomplisse. Mange d'abord bien, tu es assimilé, et puis je te montre. En fait, lui-même, dans sa souveraineté, il ferait souvent une désobéissance afin que sa loi s'accomplisse. Si c'est assimilé, vous buvez un peu de jus et puis vous faites quoi? Quand vous faites quoi? J'avance. Oui, c'est vrai. J'avance. Ce qu'il dit est choquant et bizarre, n'est-ce pas? Non, mais. C'est bizarre. Peut-être que c'est bizarre, mais bon. Moi, mon père, que je sais que Dieu est bon. Et quand il a donné une mission, quand peut-être il a choisi quelqu'un, c'est lui qui a choisi Salomon. C'est lui qui, depuis quand David vivait, lui a dit que c'est ton fils. Qui, oui. Donc tout ça. Même pour le jeune prophète, c'est lui-même qui a choisi. Mais maintenant, par rapport à sa loi qu'il donne, pourquoi il laisse que quelqu'un... C'est ça qui fait de lui Dieu qui contrôle toutes choses. Maintenant, je vais commencer à citer. J'y vais. La première fois que l'Éternel adressa la parole au prophète Osée, il dit que prends une femme de prostituée. Qu'est-ce que tu en dis maintenant? La première fois, ça dit que tu es prophète. La première fois que la voix te parle, il dit va prendre une femme prostituée. C'est-à-dire la première vision que tu as, c'est que tu vas prendre une prostituée. C'est pas que tu causes d'abord avec Dieu et que tu es familier à ses voix. Il dit la première fois qu'il t'adresse, quand la parole vient de toi, que tu sais quoi, va prendre une prostituée, tu épouses. Si tu fais ce que quelqu'un fait ça, il vient vers toi et dit que je suis serviteur de Dieu. Tu vas lui dire quoi? Que non. Mais Dieu lui a parlé ou il n'a pas parlé? Il n'a pas. Voilà. Maintenant, sa loi interdit la prostitution. N'est-ce pas? Donc, voici qu'il envoie le serviteur ou un qui est censé condamner ces choses-là pour pouvoir prendre une prostituée. Mais maintenant, il freine le chemin dans cette loi-là pour pouvoir utiliser ça pour les prophétiser. Parce qu'Israël, c'est prophétique. C'est prostitué. Okay. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Maintenant, prenons le cas du Seigneur, juste pour que je puisse bien comprendre cela. Un de ces jours, dans le livre de Matthieu, si vous prenez la partie du chapitre 11, chapitre 12, le 9e, c'est le 10e, pour qu'on avance. La Bible déclare que les pharisiens ont fait des reproches à ses disciples, au Seigneur Jésus-Christ, du fait qu'ils ont passé dans le champ de jour de sabbat, et ils ont pris du maïs, ils ont commencé à manger. Quelle a été la réponse du Seigneur Jésus? Il a dit qu'il était... Avant de dire que Jésus le Seigneur le maître de sabbat, voilà. Avant de dire cela, il a dit quelque chose. Il dit, n'avez-vous pas lu ce que fit David et ces gens qui étaient avec lui, qui entraient dans le temple et qui mangeaient le pain qui n'était réservé qu'aux sacrificateurs de manger, n'est-ce pas? Or, cette histoire-là, quand dans le livre de Samuel, quand David faisait la cavale, quand Saül le poursuivait, il est arrivé vers Abiathar, il a demandé qu'il y a-t-il quelque chose à manger. Il dit non, il ne reste que les pains des propositions. Il dit que si vous êtes sanctifié, vous n'avez pas touché les femmes, vous pouvez en manger. Alors la question c'est, ça c'est le pain uniquement réservé. Et la loi dit clairement que c'est un droit des sacrificateurs. C'est une chose saine, toute personne qui le touche doit mourir. N'est-ce pas frère? C'est-à-dire que ce sont les choses qui sont consacrées. Voici un être humain qui s'approche. David, il est en tête. Avec ses guerriers devant lui, il passe partout, il tue les gens, ils font les règles, quoi, c'est lui. Il vient dire qu'il y a quelque chose à manger là. Le père dit qu'il n'y a rien, c'est juste une sacrificature. C'est ça qui est là-bas. Donc ça a été mis devant l'Éternel. Si tu es chaud, va manger. Pourquoi David a mangé avec ces gens? Il ne dit pas moi. Jésus va expliquer. Il dit, si vous saviez ce qu'il veut dire, je prends plaisir à la miséricorde et non aux holocaustes, vous n'aurez pas à accuser les innocents. Il dit que dans le passage, il dit qu'allez apprendre. Il dit qu'allez encore lire la Bible. Vous êtes premier quand Dieu dit je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice et non aux holocaustes. Il dit allez à cette école-là. Allez, c'est ce que ça veut dire. Et là, je vais aller rétorquer encore une autre chose dont je suis en train de dire que cette grande déclaration dont j'ai faite tout à l'heure là est contenue. Il dit n'avez-vous pas lu que le sacrificateur transgresse le sabbat, le jour du sabbat, ça sera le coupable? C'est Jésus qui a dit ça dans la Bible. Donc, celui qui a encore dit ce que Jésus a dit. Il dit, n'avez-vous pas lu que les sacrificateurs transgressent le jour du sabbat? Ils transgressent le jour du sabbat, la loi de Dieu, le jour du sabbat, sans se rendre coupable. La question c'est, comment ces sacrificateurs-là transgressent? Donc, leur transgression est transgressive, mais ce n'est pas une bonne transgression comme la transgression normale qu'on doit transgresser. Il veut dire quoi? Qu'est-ce que Jésus veut dire? Voici ce que la loi de Jésus veut. Il veut te citer la loi pour que tu vois effectivement ce qu'il en est. La loi du sabbat dit, tu feras ton œuvre pendant 6 jours. Mais le 7e jour est consacré à l'Éternel. C'est quoi ton œuvre? Tout ce que tu fais, non? N'est-ce pas? Ok. Le sacrificateur est censé faire quoi? Quelle est son œuvre? Qu'est-ce que ça veut dire? Il ouvre les parfums et autres. Donc c'est ça qu'il fait. Le jour du sabbat, il est censé se reposer normalement aussi. Parce qu'il fait une œuvre. Parce que la loi dit que le travail que tu fais, le 7e jour, tu dois te reposer. N'est-ce pas, frère? Une autre loi dit, tu ne différas point de m'offrir le sacrifice au jour du sabbat. Et c'est lui qui doit le faire. N'est-ce pas, frère? Il ne différa point. Oui. Donc, ça veut dire que la peur, la lampe ne doit pas s'éteindre devant Dieu. Lui ne manquera pas devant la lampe. Le jour du sabbat, il faut qu'il retourne là-bas. Il faut qu'il retourne dans la position, il faut allumer. Or, lui, là, je l'avais depuis lundi. Samedi va arriver. Il est censé se reposer samedi. Mais le samedi, il est obligé à être là-bas pour faire. Donc, si c'est repose, il a raison de se reposer. Si c'est repose, il n'y a pas la lampe là-bas, le pain là-bas, il est désobéissant. S'il va travailler pour faire la lampe là-bas, il est désobéissant parce que c'est un jour doit se reposer. Qu'est-ce que tu fais? J'ai plutôt envie de poser la question que le pain de proposition là. C'est ça, ça veut dire que le sacrificateur doit se nourrir. Absolument, et toutes les autres choses qu'ils ont à côté, les épaules, tout comme bien offrir. Toutes les autres choses qui sont devant là. Alors la question que je pose c'est, tu es sacrificateur, tu as ces deux là devant, qu'est-ce que tu fais? Je choisis. C'est le genre de Jésus voulait dire que nous ne savons pas que le sacrificateur transit le sabbat sans se rendre coupable. Ça veut dire que s'il vient le jour du sabbat, il a raison. Il ne vient pas, il a raison. Parce que la loi lui dit, repose-toi le septième jour. Si c'est pour le septième jour, il a raison. Mais si c'est pour le septième jour, il y a une loi qui le condamne. Si c'est pour le septième jour, il y a une loi qui le condamne. Parce que la loi l'oblige à être là le jour du sabbat. S'il va faire ça le jour du sabbat, il y a une loi qui le condamne. Parce qu'il y a une loi qui dit que tu te reposeras le septième. Voici un être humain qui est dans cette lieu, qu'est-ce qu'il va faire? Alors Dieu, dans sa souveraineté, peut frayer une désobéissance pour faire marcher sa loi. Là, dans ce chapitre 14, on voit clairement que ses parents ne savaient pas, parce que ses parents étaient biblistes. Il était littéraire, dans la littérature, et ils ont dit clairement que tu ne prendras pas leur fils ou leur fille, le peuple qui l'amène à chaque mois. N'est-ce pas? Mais c'est là où son cœur est. Sur le plan humain, on n'a pas de livre. C'est-à-dire que si toi et moi, on les écoute parler là-bas. Discussion entre le garçon et les parents. On va voir que c'est une vie normale, comme nous sommes de vivre comme ça. Mais maintenant, c'est le seul déjà, il met ça par plus. Par plus. Dans ces circonstances-là, ce que tu as de les lire, ce que tu as de les lire maintenant, ses parents ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Ses parents n'ont jamais su ça. On met ça pour nous. Que dans cette histoire-là, sachez que ça venait de Dieu. Donc ses parents n'ont jamais su que c'est venu de Dieu. Mais comme ils aimaient leur fils, ils voulaient les petits fils, la Bible déclare dans ce livre-là, après avoir dit, ses parents ne savaient pas que ça venait de l'Éternel. Il dit car ils cherchaient une occasion de chute. Continue, ils sont là. Ses parents. Je tiens juste chapitre 14. Son père Samuel ne savait pas que cela, verset 4, venait de l'Éternel. Car Samson cherchait l'occasion de disputer de la part des Philistins. Je pose la question. Les Philistins, lui, ils ont fait quoi? Les Philistins, lui, ont fait quoi? C'était les ennemis. Okay. Ils sont ennemis, n'est-ce pas? Oh, la Bible déclare que n'attaque pas ton frère quand il est à côté de toi qui n'a rien fait. Je suis d'accord. C'est pas ça, frère. Oui. Ah, est-ce que les Philistins avaient le problème avec les Juifs là, dans cette circonstance? Non. Il a grandi tranquillement. C'est vrai que les Philistins les ont menacés chaque fois. Un peu comme un temps, il fut un temps où on considérait le Cameroun avec le Niger comme des ennemis. À cause de la presqu'île des Bakassi. Donc maintenant, nous voici l'accalmie. On dit clairement que dans cette situation d'accalmie-ci, il fallait une quelque chose qui va mettre le feu, l'étincelle. Donc voilà l'étincelle que Dieu lui a dit chercher. Parce qu'à côté de, à partir d'ici, on va commencer à avoir des incursions dans le camp et puis ça, il va finir par brûler le champ et puis là, boum, ça va engager la guerre pour que Dieu puisse se venger de tout ce qu'Israël finissait à faire contre Israël. Mais la Bible déclare ici que remarque bien que l'attaque, ça commence, c'est Dieu qui commence. C'est Dieu qui est. On dit parce que Samson cherchait une occasion de dispute. Donc il cherchait le problème. Si Marie est Israélien, c'est qu'il ne peut pas avoir jamais les intuitions de ces gars-là. Il faut qu'il y ait une appartenance là-bas. Que donnez-moi ma femme. Vous avez pris ma femme, vous avez goûté dans ma jeunesse. Vous avez fait ceci. J'ai pris ma femme, il a dit ça. Dis-nous d'où vient sa puissance. Pourquoi elle est trop forte comme ça? Vous posez la question là pour vous. Pourquoi la bagarre commence? Alors, il y a l'homme que Dieu utilise et il y a l'homme qui est homme normal comme tous les êtres humains. Quand Dieu dit à Jérémie, je t'avais connu, je t'avais établi prophète, ce n'est pas Jérémie en tant que chair, c'est l'esprit du prophète qui est à l'intérieur. Donc l'esprit des prophètes est constitué à la manière des aigles. D'accord? Avec les aigles, la vision, la façon de voir, de parler à l'intérieur est différente de tous les autres êtres humains. Ils ont des façons, des conscience, parce que leur constitution interne est différente de tous les autres êtres humains. l'esprit des prophètes. Alors, on dit par exemple que la Bible dit par exemple dans 1 Corinthiens 14 que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. On utilise ça pendant que tu as des prières, on dit que non, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Alors, quand c'est la prière, c'est quand il y a la nourriture, les gens ont trop faim, tu pries, tu dis trop. On dit oh, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Quand tu prêches, tu dis trop, les gens font. L'esprit du prophète est soumis au prophète. C'est le Saint-Esprit. Mm-hmm. Ce n'est pas ça dont il est question. Ce n'est pas le Saint-Esprit dont on a parlé. Mm-hmm. Tu vois, il dit l'esprit des prophètes est soumis au prophète. Quand tu es en train de prier pour la nourriture, tu dis, qu'est-ce que l'esprit du prophète est soumis au prophète à avoir avec dans ces ça. Choses-là? Attendez. Mais en profondeur, il y a là. Hein, frère, donc il prie pour la nourriture. La personne prie, il prie pour les gens du village, il prie pour les gens de Bassa, il prie pour les beaux frères, les beaux parents. Quelqu'un est à côté de la table, il dit mais c'est aussi Dieu comme ça, alors qu'on va faire. Après, tu entends, il dit l'esprit. Je fais ça de bien par l'expression là, comment on dit à tort et à travers. Il dit que l'esprit des prophètes est soumis au prophète. Quand tu prêches, tu dis l'impresario vient dire que l'esprit des prophètes est soumis au prophète. Un jour, il prêchait quelque part. Comme ça, Dieu, il y a le garçon qui a dit que l'esprit du prophète soumis au prophète. Il dit frère, souviens-toi qu'on parle, on a parlé de l'esprit du prophète, pas l'esprit du prédicateur. Et j'imagine, il n'a pas compris ce que je dis. Il n'a pas compris jusqu'au jour, il n'a pas compris. On n'a pas dit que l'esprit du prédicateur est soumis au prédicateur. On a dit l'esprit des prophètes. Parce que quand il reçoit une parole, comme dans, par exemple, dans l'Élu de 1 Samuel chapitre 9, si vous voyez l'histoire de Saül, quand les ânes de Kis vont s'égarer, on va devoir aller chercher. On dit que la veille de sa venue, Dieu a dit au prophète Samuel que demain je t'enverrai un homme de Benjamin, tu vas le fondre pouvoir pour le peuple. Quand il a reçu, c'était dans son esprit, il connaissait, il attendait ce moment. Dans ce moment-là, il peut marcher par là, parce que le demain vous allez voir tes choses, c'est tes choses, sinon. Il reste, quand il le voit, dès qu'il a vu le Saint-Esprit, le Saint dit que voici dont j'étais parlé hier. Quand il dit quand Dieu lui parle, est-ce que Saül, pendant qu'il se regarde comme ça, est-ce qu'il est au courant de ce qui se passe? Il reste seulement tranquille. Il peut lui dire maintenant que Dieu m'a dit que tu es roi. Il reste toujours tranquille. Il avance avec lui. Il dit que montons, il monte. Il a de ses nouvelles dans son esprit le concernant. Il connaît les choses le concernant. Mais jusque-là, il reste tranquille. Mais aujourd'hui, dans nos églises, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je ne me maîtrise pas. Ainsi parle l'Éternel. Taisez-vous. C'est pas mon frère. Il y a l'esprit d'impudicité dans cette maison. Je vous aime. Je suis au milieu de vous. N'est-ce pas, ma soeur? Après, tu pleures un bon besoin. La chair de compte à toi. Tu dis oui, Seigneur, c'est à moi. Tu parles. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Alors, le Samuel reçoit. C'est comme ça que le prophète de la Bible. Il reçoit, il part, il mange. Après, il a même fait le préparatif. Il avait dit à celui le cuisinier que garde l'épaule aussi pour celui qui avait été dit demain. Donc, il a tout le préparatif. C'est là dans son esprit. Donc, n'importe quoi arrive, c'est soumis à lui. Prenons encore le livre d'Exode dans 1 Roi chapitre 17, 18. Non, je vais citer, je vais citer. Il dit seulement la référence. Quand Élie vient dire, il ne tombera point de la pluie jusqu'à suivre ma parole. Donc, Dieu a intérêt à le garder en vie. Tant que la pluie ne va pas tomber, parce que s'il dit comme ça, il meurt, la pluie ne tombera plus. Tu entends comment Dieu a dû faire pour le donc, même le serpent le meurt, le mort, il ne doit pas mourir. Même le lion le mange, il faut qu'il ressuscite. Parce qu'il a dit qu'il ne tombera pas de la pluie jusqu'à ce que ça sorte par ma parole. Donc, si je vais dire, pluie tombe avant que ça tombe. Donc, il a intérêt à être gardé vivant. Je ne sais pas s'il y a un exemple comme ça dans la Bible, mais je voudrais poser la question. Oui. Supposons donc que Élie meurt. Oui. Donc Dieu va respecter qu'il ne tombe pas de pluie. Puisque c'est l'esprit de la parole de l'Éternel qui a été dit. Dieu a dit dans sa parole que je suis derrière la parole de mes serviteurs pour les accomplir. Mais nous venons de voir un cas dans David oui. où la parole a été dit que tu ne mangeras pas, tu mais il est entré. Non, la parole qu'il a portée pour aller donner a été accomplie. La vie normale qui n'est pas la parole pour autre chose. Quand il est venu avec Jéroboam. Jéroboam a dit que hôtel, on sacrifiera les ossements humains. Elle a tendu la main comme ça, ça a séché, la lèpre l'a attrapé. La parole a été manifestée. L'autre dit c'est la vie pratique, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. S'il prononce quelque chose de la part de Dieu, ça doit s'accomplir. Tu vois cela, n'est-ce pas? Donc quand il a dit qu'il ne tombera pas de la pluie sur la terre ici jusqu'à ce que j'ai parlé. Donc, ça veut dire que si ça doit faire 50 ans, il faut que pendant 50 ans, il y soit là. Westland, n'est-ce pas? Mm-hmm. Ils sont dit, vous voyez la chose, ça veut dire quoi? Élie avait ça gardé dans son esprit. Mais est-ce qu'il ne peut pas avoir une possibilité telle que Élie meurt? Oui. Nous savons, toi et moi, oui, dans les prophéties, oui, qu'il a annoncé que Élie et Enoch vont revenir sous forme de... Non, pas Enoch. Quand il vient de l'autre, la prochaine fois, il ne vient pas. Quand il vient la prochaine fois, ce n'est plus lui qui allait parler, c'est l'esprit d'Élie. Quand il vient pour une autre mission, pas pour la mission, là, il peut venir continuer là où il avait. C'est pas comme ça. Quand Élie était sur la terre, il baptisait. Quand Élie, le prophète, oui, le prophète Élie baptisait quelqu'un. Oui. Jean-Baptiste sortait d'où avec sa part. Jean-Baptiste. On a dit que c'était lui l'Élie qui le. Mais on a dit clairement que c'était lui l'Élie. C'était pour dire que s'il vient, c'est un esprit là qui va venir. Mais celui-ci, quand il vient donner un ministère, parle, il est sur ma parole. C'est lui qui doit prononcer, pas l'esprit là. C'est quand c'est lui, la personne d'Élie, le prophète Élie qui doit prononcer. Or, quand Jean-Baptiste est venu, c'était l'Élie qui devait venir. Mais il n'a pas fait quoi que ce soit par rapport, à tout ce qui s'est passé. Il a continué seulement dans une autre dimension, en baptisant. Ouais. On lui dit que tu es le Christ, il dit jamais. Tu es qui? Tu es le Christ. Non, non, non. Pourquoi baptiste tu es alors? Celui qui m'a envoyé a fait ce qu'il dit. Je suis la voix de celui qui faisait le disait. Donc il s'est identifié, il avance. Donc ça veut dire que si ça sent tant que la va durer la famille, il doit être là. Donc Jean-Baptiste savait qu'il était. Il s'est rendu compte qu'il était vraiment Élie. Il ne s'est pas rendu compte. Il connaît dès la naissance. On a dit de lui qu'il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de son maman. À l'âge de 9 ans, il allait dans le désert. Il vit dans le 9 ans en ce moment, tu quittes la maison. C'est un vie sa frère. Pendant que les gens sont des joueurs avec les joueurs, ils font des oiseaux avec des boules et ainsi de suite, ils courent dans les champs. Le gars est dans le désert, il regarde comment l'arbre tombe. Il regarde comment l'arbre mûrit, comment on coupe l'arbre, il dit la cognée. Il apprend ça par le langage là-bas. Il dit la cognée, il y a la racine de tout ça. Tu as vu là, c'est tout, non? Après, dans l'esprit, tout le monde qui s'en va à ce pas Israël. Il dit repentez-vous, car le bon Dieu est proche, le moins arrivé. Ce sont pas les gens, c'est pas, les prophètes ne sont pas des gens ordinaires dès leur naissance. Il peut y avoir des gens qui ne comprennent même pas la vie, c'est parce qu'on a tellement perdu les choses au point où les gens ne connaissent pas où se trouve le vrai, où se trouve le faux. Il y a des prophètes de naissance qui sont là, les visions leur arrivent, ils ne comprennent pas ce qu'il faut faire avec, ils ne comprennent pas des choses, ils voient des choses bizarres. Tu vois, il vient de parler de l'Amérique, que je me reviens, que j'ai vu cette nuit, c'est par rapport à l'Amérique. Et Donald Trump, ce qui va lui arriver, j'ai vu c'est quelque chose se positionner là-bas pour l'Amérique. Et, ces choses-ci. Donc, ça c'est pour une personne. Ce que ça veut dire pour une personne. Donc, il y a des gens qui voient des événements. Ça, ces personnes sont dans cet état-ci. Ils voient des événements et que les événements sont répétitifs. C'est-à-dire que quand ils sont devant le événement, parce que j'ai observé, cette personne s'est de le voir. J'étais dans les yeux de cette personne, en train de regarder au travers de ses yeux, et je vois comment cette personne voyait, je voyais la pensée de cette personne. La personne voit les événements qui se traversent, qui s'arrêtent, qui s'accomplissent. La personne est dérangée parce que quand il voit ça en vision, c'est comme si c'était dans le son, et puis quand la personne marche dans la réalité, il voit ces choses-là s'accomplir, dans sa pensée, c'est que mais ces choses, j'ai déjà vu ces choses. Mais il n'y a pas de guide. Le Saint-Esprit l'oriente vers moi. Le Saint-Esprit l'oriente vers moi pour lui expliquer cela. Ça, il faut que la voix le localise. Il faut que la voix le localise. Voilà. Et la voix a parlé. La voix le localise. Voilà. Des questions encore? Donc, on a vu le cas de Samson, le cas de Salomon, on a vu le cas des vieux et des jeunes prophètes, on a vu le cas de Samuel. On peut prendre des cas et des cas. On peut prendre le cas de Samuel, le prophète Samuel, lorsqu'il était jeune, alors qu'il était couché là-bas avec Élie, le sacrificateur. On dit, à ce temps, la parole de l'Éternel était rare, donc Dieu ne parlait lui à personne. Vous vivez, vous vivez comme ça. Vous lisez la loi, vous faites ce que vous faites, il est en haut, il ferme sa parole. Après, subitement, au chapitre 3, on dit, la lame n'était pas éteinte. Et puis, on entend Samuel. Il dit, un papa Élie, tu bois en cachette ou quoi? Il t'a appelé. Va te coucher dedans. Je rentre encore, je veux. Il dit Samuel. Puisqu'il n'a jamais entendu la voix. Il croit qu'il n'a qu'un maître là-bas. C'est lui. Donc si quelqu'un appelle, c'est que forcément c'est lui. Il dit, oh, la parole de Dieu ne s'est révélée pas à ce moment-là. Alors, la troisième fois, il a compris que non, quelque chose ne va pas. Si l'enfant ne fait que venir, c'est quelqu'un qui l'a appelé. Si on t'appelle, dis que ton serviteur écoute, vas-y, parle. Première prophétie qu'on donne à un enfant. Il ne dit pas qu'il faut dire à Israël de se repentir. Il ne dit pas que tu as choisi de lire la Bible bien. Il dit, j'ai fait connaître à la maison d'Élie toutes les choses, les exactions qu'ils ont faites, s'ils sont coupables, ses fils. Je vais faire en son jour une chose étonnante, grave, ils vont confiner. Il va pleurer, mais ça, on a un enfant. Mais ça, il ouvre la fenêtre le matin. Il guette le père, comme ça, ou l'esprit pour faire sourire. Oh, il lui a donné la prophétie, c'est là. Le gars, il guette le père, là, comme ça, pour ce fort. Et que Jules, moi, dis-moi vraiment pourquoi tu vas me dire, tu ne me dis pas que Dieu te donne dans toute sa rigueur, que tu me dis tout sans manquer quoi que ce soit de ce qu'il a dit. L'enfant me dit que tremble, que si il ne dit pas Dieu, tu tiens toute sa rigueur. Il a lâché que Dieu t'a dit qu'il a connu, qu'il t'a dit que tu fais les choses, tu ne veux pas faire, tu aimes tes enfants plus que lui. Il va te traiter. Les choses de Dieu sont passionnantes, tu ne peux pas comprendre. Vous lisez ça comme ça, je cours souvent dans la maison partout, je dis qu'est-ce que Dieu nous montre ici. Ah, c'est un enfant comme ça. N'est-ce pas ma soeur? Mais qui est un enfant de la maison? C'est le, oui. Le papa là qui est son... C'est son père. Parce qu'il a grandi, quand on l'a accouché, quand on l'a sévré, on l'a amené là-bas. Là-bas. Donc c'est là-bas qu'il connaît. Alors, il vient de lui donner un genre de prophétie comme ça. Et le matin, tu sais que c'est un sale, il va savoir que qu'est-ce que Dieu t'a dit là. Hein? C'est à lui, forcément, puisque tu n'as plus revenu vers lui pour lui dire pourquoi tu m'appelles. Donc Dieu lui a parlé. Puisse Dieu nous susciter de Samuel ici aujourd'hui et de Jérémie. Mais j'aurais souhaité un de ces jours. J'aurais souhaité un de ces jours parler de la différence entre le fonctionnement du prophète, des prophètes de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Parce qu'il y a une différence. Okay. Il pose la question, frère. Okay. C'est pour cette précision qu'il y a une différence entre les prophètes de l'ancienne alliance et de dans le fonctionnement. Dans le fonctionnement. La constitution de l'esprit est différente. Parce que, écoute bien attentivement. D'abord, on est prophète. On est prophète. Donc le prophète n'a pas besoin d'être chrétien pour être prophète. Tu vois, personnellement, comment tu me dis? Non, je suis un peu troublé. Comment tu es troublé? Parce que tu dis que le prophète n'a pas besoin d'être un chrétien. C'est-à-dire que Dieu... Et Dieu utilise ce qu'il veut. Oui, Dieu... Et non, c'est pour les prophètes spécifiquement, je ne vais pas aller. Je vais expliquer. Avançons. Oui, tu as expliqué que le prophète naît. C'est-à-dire qu'il il naît avec son esprit. Son esprit, c'est l'esprit des prophètes. Il n'a pas besoin d'être... du camp de Dieu. Oui. Non, non, pas du camp, du peuple de Dieu. Non, c'est pas cela. Puisqu'il est, il est issu de là. Oui, il est issu de Dieu, je suis d'accord. Voilà, écoute attentivement. On est sur la terre dans le ventre de nos mamans. Oui. Donc quand on sort, chacun sort, il faut faire nien. Le prophète, avant de faire nien, il est prophète déjà. Oui. Qui naît chez les païens. Après, qui pète chez le marabout, ses parents pas chez le marabout, il est quand même prophète. Mais quand tu dis qu'il n'a pas besoin d'être chrétien pour être prophète. Donc il est d'abord prophète avant de... C'est pour ça qu'il dit, dans la nouvelle alliance, donc, malgré qu'il soit prophète, pour fonctionner dans l'église, il faut naître, il doit naître de nouveau. Tu vois, personnellement, il doit naître de nouveau. C'est ça que je veux dire. Alors, ça se pose que même s'il n'est pas encore chrétien, il peut prophétiser. Il peut voir des songes arriver, voir des événements. Il dit, c'est exactement ce qu'il a dit. Mais le moment va arriver où il doit avancer et recevoir la nouvelle naissance pour entrer dans le corps. C'est donc pertinent. Oui. Effectivement, parce que j'ai rencontré plus d'une personne. Oui. Où moi, je suis bloqué, je peux dire comme ça là. Oui. Ton explication si vient de me donner une autre compréhension de la chose. Oui. Où je suis bloqué que tant que tu n'es pas chrétien, tu ne devrais pas parler certaines choses. Parce que là, c'est donc ambigu. Si c'est vrai que tu peux naître prophète, Non, arrangeons-nous d'abord. Oui. On devient prophète. Non, on ne devient pas. On est. C'est que ça devait régler le problème. Bon, l'autre question, c'est qu'il faut qu'on arrange. À notre époque, y a-t-il des prophètes? Oui. Ok. Le prophète sort du ventre étant déjà grand. Non. Il doit naître petit, non? Oui. Et s'il naît petit, il est déjà prophète. Mais quand il grandit, on doit expérimenter la nouvelle naissance. Mais c'est aussi simple que possible, non? Oui, c'est simple. Mais ça crée donc cette ambiguïté. Hein, frère? Oui, quelle ambiguïté? Ça crée l'ambiguïté, si. Maintenant, comme il y a, nous sommes dans les derniers temps, avec le mensonge qui est plein de même haut. Si le mensonge est plein de haut, c'est quand même la vérité. Si quelqu'un a le faux, c'est son problème, mais c'est quand même la vérité. Tu maintenant, comment nous autres allons-nous identifier que le type qui est en face de moi? Parce que si c'est vrai. Jésus a dit que ce n'est pas le fruit que le connaître. Il n'y a pas deux façons d'identifier. Là, c'est pas le fruit que le reconnaître. Le prophète, il vient dire quelque chose. Le prophète, ferme ta Bible comme ça. Le prophète de Dieu, même s'il n'est pas chrétien, même s'il n'est pas encore né de nouveau, il connaît ce qui est écrit sur lui. Pas tout. Non, il connaît. Il connaît tout ce qui est écrit là-dedans. Dieu qui... il connaît tout. Mais le moment va arriver, il va le faire naître de nouveau pour entrer dans sa fonction. Mais maintenant, on peut que dans le livre des dons spirituels dans l'église, où on parle des dons de prophétie, c'est l'homme prophète qui donne. Il n'a pas un don de prophétie. Parce qu'il y a le don des prophéties, il y a le ministère lui-même des prophètes, qui sont deux choses différentes. C'est-à-dire, le don de prophétie, quelqu'un qui, initialement, était païen, a été converti dans le corps de Christ, et que le Saint-Esprit lui donne la capacité de recevoir les messages de Dieu chaque fois. Oui. Ceci, c'est le don de prophétie. La fonction du prophète, on est avec. Tu comprends pas ce que on est avec. Quand on est converti, on vient dans le corps pour occuper la place et Dieu a donné pour le corps, les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, ce sont les dons hommes. Ici, il ne s'agit pas de dons spirituels. Il s'agit de la fonction de porte-parole. C'est pas ça, on se comprend. Oui. La fonction là, on vient avec cela. Le don, quand on vient dans le corps, Dieu nous donne ça. La fonction, on vient avec dans le corps. Oui. Alors, le don, on vient dans le corps, sujet, on nous donne cela. À ce sujet précis, oui. Quand il a dit, il a fait, je crois, c'est un Corinthien, combien là? 14 ou bien 12. C'est pas bien que je disais ça. Où il dit que. Il a donné les apôtres en premier. 1 Corinthiens 12, verset 28 et suivant. Voilà, c'est ça. Les apôtres en premier. Oui. Ensuite, les prophètes. Alors, c'est ces dons-ci que tu dis en train de dire que c'est des dons. Des dons. Éphésiens 4, de toute façon, Éphésiens 4, verset 11. Celui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Et il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, sont les dons hommes. Ce sont pas les gens qui ont les dons spirituels. Oui, ils n'ont oui. pas les dons spirituels. Ils sont des dons, ils sont des dons. C'est la fonction. Des fonctions. D'autres dons spirituels peuvent se manifester liés à ces fonctions-là. Mais leur fonction, c'est un don. Don auprès des hommes. C'est ça, donc, les dons spirituels leur sont aussi accordés pour faire cette fonction, cette mission-là. Ok. Maintenant, comme ils sont des dons. Des dons, non? Pour les hommes. Pour les hommes. Un peu comme on dit que prends ceci. Dieu a dit aux hommes, prenez celui-ci. Oui, oui. Voilà. Ok. Voici donc, j'ai un exemple. Voici donc l'évangéliste. Un don. Un don homme, par exemple. Un don homme. Oui, comme toi. Oui. Amen. Amen. Bon. Comment, en date d'aujourd'hui, oui. le peuple. Et ce qui se passe, oui, puisque tout le monde est... S'auto-proclame. Oui. Comment on dit ça? Non, je ne parle même pas de l'auto-proclamation. Je parle de ceci. Comme aujourd'hui, tout est... Tout le monde sait que... Mélo. Tu entends par exemple... Évangéliste tel, prophète tel, oui, oui. tel. Comment s'appelle le gars qui est en France, qui est travaillé avec toi là? L'ancien ministère là. Massa Mbongo. Qui dit à Sergio Polo que... Arrête la sorcellerie que nous tous nous étions en train de faire hier. Tu sais ce que nous étions en train de faire. Arrête ça. Oui. Parce que machin. Oui. L'on lui dit que qui t'a mis pasteur? Tu as fait quelle école de pasteur? Vous venez me dire que je dois. Donc c'est juste pour le répondre. Donc comme vous dites que, oui, comme vous dites qu'aujourd'hui, tout le monde sait que. Bien que, comme toi, comme ça, si tu étais à l'évangile, les questions naturelles vont seulement dire qui est passé par où, qui l'a oint, qui l'a oint. Donc maintenant, comme Dieu, la parole de Dieu dit que c'est Dieu qui donne le don. Il dit que la voici personne, donne la personne. Donne maintenant, la personne. Comment le peuple va reconnaître que voici vraiment l'apôtre? Bonne question. Et la réponse à cette question est assez simple. C'est que Dieu ne donne pas ce don-là à tout le monde. Il donne aux gens qui doivent le reconnaître. Oui. Ceux qui doivent le reconnaître le reconnaissent. Alors, là maintenant, pour que quelqu'un puisse le reconnaître, il faut aussi la grâce de Dieu dans sa vie pour le reconnaître. Quand le Seigneur est venu en scène, prenons le Seigneur qui est le don pour l'humanité. Prenons son exemple. Tout ce dont tu reconnais. Isaïe a prophétisé 800 ans plus tôt, il dit qui a cru à ce qui était annoncé. À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé. Donc il faut une révélation pour connaître le bras de l'Éternel, n'est-ce pas? Alors quand le Seigneur est venu, il vient en scène, n'est-ce pas? Son peuple qui est devant lui, c'est pas lui qui cherche chaque fois. Ce n'est pas lui qu'ils invoquent chaque fois. Le prophète Malachi dit clairement au chapitre 3 que j'enverrai mon messager devant moi, il préparera le chemin devant moi et soudain entrera le Seigneur dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. Chaque Dieu, il prie Dieu. Il lève la main par le terre, il se prostre vers Jérusalem pour chercher Dieu. Dieu lui dit qu'il bientôt va rentrer dans le temple. Il se tient là devant, il dit détruisez ce temple-ci et je le bâtis en 3 jours. La personne qui passait était dans ce temple-là caché. Donc voilà, dans le temple, il dit que tu es qui même au juste? Il dit celui qui dit que je suis depuis. N'est-ce pas, frère? Alors, je pose la question. À la femme samaritaine, elle se tient là-bas. Il dit, femme, donne-moi de l'eau à boire. Il dit, toi, comment toi qui es juif, tu oses me demander de le boire? Il dit, si tu savais, si tu connaissais le don de Dieu. Tu as vu ça? Si tu pouvais connaître le don de Dieu. Et celui qui te demande à boire, tu viens, tu ne donc toi, tu lui demanderais lui-même de l'eau à boire. Tu ne viendras, il te donnera une eau que tu ne viendras même pas besoin. Il dit, hein? Avec le puquet profond là, donne-moi des secteurs là comme ça, il voit une fois, il n'est plus soif, il ne vient plus jamais ici. Parce que c'est fatigant de quitter la route pour envoyer le puits dans les deuxièmes pour pouvoir tirer une balle quantité pour verser. Et d'abord, pour que ce soit comme ça, d'abord, hein, va chercher ton mari. Qu'est-ce que l'eau a à voir avec le mari? Il a commencé à dire, je n'ai pas de mari. Ok, tu as dit vrai, c'est que tu dis que tu as un mari. Parce qu'en réalité, tu as eu cinq maris, celui avec qui tu n'aimes pas ton mari. Quoi? Qu'est-ce que j'entends de mes oreilles là? Je vois que tu es prophète. La personne qui était au milieu des juifs parlait chaque jour guérissant. On disait que c'était Zébru. Une prostituée vient de voir qu'il est prophète. Il dit que nous savons que quand le Christ venait, le Messie viendra, celui qu'on appelle le Christ, il nous dira ces choses. Il fera déjà les choses que tu fais là. Tu vois, parce que les païens qui connaissaient les enseignements que le Christ est censé enseigner. Mm-hmm. Il dit que nous savons que quand le Christ viendra, celui qu'on appelle le Christ, il va lui dire déjà les choses comme ça que tu fais là. Il dit, je le suis, moi qui te parle. Pourquoi il n'a pas fait ça à son peuple? Donc, quand il pleut, c'est pour dire quoi? Les dons hommes, si Dieu le plaît, il va le révéler. L'apôtre Paul lui-même, dans son mandat apostolat, a rencontré le Seigneur. N'est-ce pas, frère? Mm-hmm. Il dit clairement, il dit pour les autres, si je ne suis pas apôtre, pour vous, au moins, je le suis. Car les preuves de mon apostolat ont encore éclaté au milieu de vous. C'est pas ça? Donc, tout le monde ne le reconnaît pas en tant que apôtre. Tous les chrétiens maintenant disent, waouh, l'apôtre Paul. Mais en son temps, personne ne le reconnaissait pas. Il y avait des contestations claires. Que celui, enfin jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui disent même que Paul était un faux apôtre, les musulmans en preuve. De toute façon, laissons leur cas. Parce qu'en réalité, ils savent que pour comprendre les doctrines chrétiennes, c'est par Paul. Et pour le descendre qui n'a pas. Il y a beaucoup de chrétiens. Dès qu'ils disent par exemple que les femmes. Les femmes ne doivent pas enseigner, ils disent que non, ça c'était la pensée de Paul. La pensée de Paul. Mais là, si tu prends la pensée de Paul, tu mets de côté, tu prends tous les 14 livres qu'il a écrits. Ou tu vas lire quoi dans la Bible? Parce que les doctrines, les fondamentales, c'est lui qui a écrit. Donc tu refuses ça, tu refuses tous les autres. Alors maintenant, je pose donc la question. Lorsqu'on se trouve comme ça devant et qu'on a de telles choses devant nous, qu'allons-nous faire? Si je suis devant un homme, il en a de parler. Il dit, Seigneur, si celui-ci est de toi, ça c'est dans le cœur. Si celui-ci est de toi, permets que tout ce qu'il va dire vienne de toi et que ça entre en moi. Mais s'il n'est pas de toi, que rien de ce qu'il va dire, s'il est manipulé par un autre esprit et que derrière se trouve un esprit impur qui veut me séduire, ne permet pas que ça arrive. Après avoir fait ses prières, le reste est entre le Seigneur. Parce qu'avec les yeux, vous ne pouvez pas discerner. Il y a des gens qui ont commencé, ils montrent l'évangile. Mais aujourd'hui, on voit leur vraie nature. Ce n'est pas qu'ils ont changé en temps. C'est que c'était le but d'abord. Quand Satan vient, il ne présente pas la face avec la corne. Il présente toujours l'aspect angélique. Et à un moment donné, avant que tu ne comprennes, qui t'a entraîné. Il dit que les serviteurs, l'apôtre Paul lui-même dit dans 2 Corinthiens 11, verset 13, que ces hommes-là sont les faux apôtres déguisés en ouvriers, en apôtres de Christ. Il dit ce n'est pas étonnant parce que Satan lui-même se présente en ange des lumières. Il n'est pas étonnant que ses ministres se déguisent en ministre de justice. D'autres critiquent, prêchent l'évangile, mais à l'intérieur, le déguisement. Mais dans un autre passage, il dit que leur fin sera selon leurs œuvres. Donc, quand les gens voient aujourd'hui les pasteurs et les prophètes font des choses qui sont fausses comme ça, ils disent que mince, pourtant l'homme s'y a bien commencé. Hein? Il a bien commencé. Non, ce n'est pas ça. Le fruit qui sort d'un maïs mûr, dès le départ, c'était le maïs. Il n'y a pas eu de déroute quelque part. Si tu mets livré au sol, si c'est la semence est livrée, ça va produire. Remarquez très attentivement que si vous allez dans le champ, on a mis livré à l'air de pousser, c'est ce qu'on appelle ce sorgho là, l'herbe qui ressemble au maïs. Quand ça pousse ses jeunes, la beauté est presque identique. Ça monte. À un moment donné, le jet de maïs, va se reproduire, les trucs de fleurs de maïs, celui-ci ne produira pas. Après, tu vas toucher celui-ci, c'est dur, c'est rugueux. Et ça coupe. Ça fait du mal. Alors tu vois effectivement qu'il a imité au mieux de sa connaissance le vrai. Mais lors de la production des fruits, certains doivent reproduire selon son espèce qui a été semée là-bas. Tu vois. Donc au milieu, il pourrait avoir des confusions parce que on ne sait pas qui est qui c'est vrai. Parce qu'ils sont déguisés. C'est le déguisement. Mais le fruit ne doit pas produire le fruit initial. Amen. La parole de Dieu semée dans l'homme va reproduire la parole de Dieu. Si c'est lui qui te l'a cupidité sur le cœur. Tu vas aller dans la Bible, tu vas seulement chercher les passages des bénédictions. Parce que c'est ça qui est dans ton cœur, ça va te guider. Tu vas regarder Abraham avec toi, tu vas dire, waouh, Abraham! Le gars a été riche, les gens me disent que je n'ai pas été riche, c'est ça que tu vas voir. Tu n'as pas aller là où il a enduré les souffrances, les persévérants pendant 25 ans. Tu peux avoir ça qu'on travaille dans la souffrance, dans la persévérance, qu'on peut aller avec Dieu, Dieu ne nous répond même pas. On est dans l'angoisse, il fait comme si ne nous voit pas. Tu peux avoir cet aspect. Parce que moi, voir l'aspect où je suis à la tête et non à la. Ok, c'est ça que tu vas voir. Tu vas seulement voir l'endroit où Abraham, Dieu a dit à Isaac, reste à Guéra, je vais te faire, je vais te bénir ici. Tu dis béni, ouh, tu as encore le même béni. Il dit, waouh, il sément cette année-là, il multiplie au sanctuaire, il recrutait au sanctuaire. Waouh, waouh, Dieu aimé, il te dit que si tu sèmes comme Isaac a sémé, tu vas multiplier au sanctuaire. C'est Dieu qui a multiplié, c'est Dieu qui a resté là-bas. Dieu t'a dit quelque chose, il dit, dans la cupidité. Alors, la personne peut se tenir là-bas en disant qu'il y a même plus de bénédictions de l'argent dans la Bible que même de la foi. N'est-ce pas? Parce que c'est la cupidité qui se c'est ça qui l'anime, l'esprit l'anime. Il peut lui dire, il est sincère, parce que c'est ce qu'il a découvert avec cet esprit-là. Si tu vas ici, tu veux chercher les homosexuels, comment vivre avec les homosexuels, être bien, tu vas trouver ça là-dedans. Parce qu'il y a des gens qui parviennent à démontrer dans cette Bible que Jésus-Christ et David étaient homosexuels. Tu le sais, ça, frère? Dans cette Bible-ci, on peut te démontrer que Jésus était homosexuel et David. Et tu lis la Bible, c'est vrai, entre guillemets. Tu as vu ça dans la Bible, frère? David. Oui. Et Jésus. Je sais qu'ils utilisent le passage de Jean, ou c'est quoi, là, pour dire que comme Jean l'apôtre, Jean se couchait sur son ventre, et tout. Pas seulement ça, dans la nuit, c'était quelque part. Où il y avait un jeune homme avec le pain. Quand on l'a attrapé, on lui a attrapé jusqu'à la nuit de Marc, au chapitre 14. Il y a un jeune homme qui a fui avec le pain, qui était côté de Jésus. Qu'est-ce qu'un jeune homme faisait avec le pain? On a détaché le pain, il a fui tout nu. Qu'est-ce qu'il faisait avec Jésus? Les loges, c'est écrit là-bas tout nu. C'est écrit là-bas noir et blanc. Il faut lire les quand les francs-maçons te prennent la Bible. Tu vas dire que mince, c'est ma propre. Tu vois que c'était un franc-maçon qui était devant toi. La discipline que tu devais faire, devait permettre une porte qui va pouvoir t'enseigner. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que quand il dit. S'il y a l'esprit de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses, n'est-ce pas? Maintenant, il y a des expériences que j'ai eues, n'est-ce pas? Oui. De la parole. Telle que même si je lis un truc comme ça, ça ne va pas entrer. Ça ne peut pas passer. Ok. C'est que Dieu est fou depuis le début. Dans Marc chapitre 14. Regarde, lis verset 50 et 52. Lis ce qui est écrit à haute voix. Marc chapitre 14, verset 50 à 52. Allons-y. Tu as la page. Alors, oui, lis bien, vas-y. Ils l'amenèrent. À verset 50. 50. Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Alors, voilà ce qu'il en est. Ça, dans les évangiles, on ne voit pas ni ça dans Jean, ni dans Luc, ni dans Matthieu. Tu vois ça, mais surtout, on me raconte cette histoire. C'est le franc-maçon, il prend ça. Pour lui dire effectivement que Jésus était un grand maître, il était homosexuel, il faisait l'initiation dans l'homosexualité avec un jeune homme nu. Qu'est-ce que tu vas expliquer ça à un franc-maçon comment? Voilà ce qui est écrit là-bas. Qu'il y avait un drap. Il portait le drap dans la nuit, comment à Gethsémani. Lorsqu'on arrêtait Jésus, parce que ça c'est l'arrestation. C'est question de l'histoire de l'arrestation. Et on dit donc que le plus jeune parmi ses disciples, parce qu'il était dans la sainte scène là, uniquement avec les jeunes. Donc ici, il est question de l'apôtre Jean, d'après ce que ça nous dit, parce que c'est le plus jeune qui était parmi ses disciples qui avait le pain. Qu'est-ce que tu en dis? Tu vois, de temps en temps, c'est lui qui se couchait sur le drap. Il se couchait sur sa poitrine. Donc, c'est pour dire que si quelqu'un veut aller dans la Bible, comme tu as dit, que comment on reconnaît le don, si Dieu ne te donne pas la grâce, tu ne dois pas comprendre. Parce que les voleurs peuvent aller ici, là, trouver leur compte. Les braqueurs, trouver leur compte, là-dedans. Mais c'est la parole. Mais la parole de Dieu dira toujours la vérité. On dit déjà de David à Jonathan qu'ils s'aimaient tellement qu'ils sont liés à âme, que l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre dépassait l'amour d'une femme. Ils ont dit, vous avez vu, que montre l'amour, là, qu'est-ce que ça veut dire entre les deux? Voilà, comment tu dis, mince, frère? C'est écrit ou c'est pas écrit? Non, c'est écrit. Au point où Jonathan lui-même, père, qui sait que son père n'est pas là, celui qui va prendre le pouvoir, préfère rejeter son père et faire le coup contre son père par rapport à David. Le franc maçon dit que si c'est toi-même, c'est normal. Alors, ça veut dire que si Dieu. Je vais sortir Romains chapitre 1. Non, ils connaissent, les francs maçons connaissent là. Mais pour leur dire que voici. Avec les francs maçons, il ne faut pas aller avec parole. Parce que si tu vas avec la parole, il va aller avec le dédoublement sur toi. Et en dehors de l'Église ici, ils ont l'esprit. Un esprit où ils déclenchent la clairvoyance. Donc, ils peuvent te manipuler ta pensée. Donc, si vous ne connaissez pas, il n'y a pas l'esprit de Dieu pour bloquer n'importe quoi. Il faut l'abandonner. Quand il commence le débat, fuyez. Sinon, tu vas sortir là-bas troublé. Donc, voilà autant de choses qui sont de dire. Et si Dieu a permis à quelqu'un d'être don au milieu des hommes, Dieu a destiné les gens pour le reconnaître. Quand Jean-Baptiste baptisait Jésus, le ciel s'ouvrait, le Saint-Esprit descendu comme une colombe sur lui. C'est lui seul qui a vu ça. Tout le monde n'a pas vu cet événement. C'est à lui seul que Dieu a donné des voix. Tu vois cela? Quand le Saint-Esprit est venu, oui, c'est pas tout le monde qui a vu. Quand le Saint-Esprit est allé sur la montagne, il a choisi trois de ses disciples. Il est parlé avec tous les 12 disciples. Avant que la voix a parlé, celui-ci est mon fils en qui je me plais à demeurer. Quand il a dit cela, ce n'est que les trois là qui ont entendu. Quand la voix parlait dans le temple, dans ces gens chapitre 12, il dit que Père, glorifie ton fils. Et puis la voix se fait entendre. Je le glorifierai encore, je le glorifierai encore. Quand il a dit ça, les autres ont entendu le tonnerre. Que un tonnerre, tu as entendu le bruit du tonnerre là. L'autre a dit qu'un ange lui a parlé. Mais lui, il a dit que cette voix a parlé à cause de vous, afin que vous croyez qui je suis. Donc, une voix a parlé. Et on nous a dit ce que la voix a parlé, d'autres ont entendu le tonnerre. Comme le brûlé de fer là. Ils ont entendu mais la voix a parlé distinctement. Je le glorifie, je le glorifie encore. C'est qu'elle, avec leur oreille, ils ont entendu ou bien pourquoi ça, dans leur oreille, ils ont plutôt entendu comme le tonnerre. D'autres ont entendu que c'est à lui que la voix là parle. D'autres ont entendu la voix parler, mais ils savaient que c'est à Jésus que ça parlait. Mais Jésus qui leur donne le renseignement que ça parle à cause de vous pour que vous sachiez qui je suis. Tu vois ce que Dieu fait, non? Donc, et Jésus dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendre. Je vais te poser la question. Vos oreilles physiques, c'est vous qui les avez mises? Qui sur la tête a mis sa propre oreille? Ok. Mais il dit maintenant que celui qui a les oreilles. Comment tu ne peux pas avoir les oreilles? Mais dans la saga, si le physique ne sont pas encore mis, le spirituel que tu ne vois même pas, qui met? Alors il a donc dit dans Matthieu chapitre 11. Quand la Matthieu chapitre 13, quand il a commencé à dire les choses à parabole, on dit il ne les parlait point sans parabole afin que ça accomplisse ce qu'a dit le prophète Élie, Isaïe. Et puis les disciples ont dit que Seigneur, pourquoi le parles-tu en parabole? Vous parlez clairement qu'ils comprennent. Il dit à vous, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Mais pour ceux de Dieu, pour eux, tout est dit en parabole afin qu'ils entendent, ils écoutent sans comprendre, qu'ils regardent, ils ne voient pas. Donc les paraboles sont de l'aveuglement. Et donc, pendant que tu parles la parabole, d'autres comprennent. Ils ne font pas l'effort pour comprendre parce que cela a été donné. Ils ont une prédisposition mise par Dieu dès le départ que c'est telle personne va comprendre ce qu'il va dire, telle autre personne ne comprendra pas. Qu'est-ce que l'autre personne a fait pour ne pas comprendre? Qu'est-ce que l'autre a fait pour comprendre? C'est encore lui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, en résumé, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. L'esprit des prophètes est différent de les esprits humains. Ils sont des êtres constitués différemment des autres êtres humains. Ils viennent dans le monde pour un but précis. Ils sont entre les mains de Dieu. Ils sont gardés dans son carquois. Ce sont des flèches entre ses mains pour envoyer, pour percer les flancs de l'ennemi, pour pouvoir libérer l'humanité. Comme ils sont là, quand ils viennent sous la nouvelle alliance, ils doivent venir de nouveau pour entrer dans la fonction du corps. Parce que sur la terre, il ne peut pas avoir deux corps. S'ils viennent dans ces fonctions-là, Dieu leur montre quelque chose en préparation de leur ministère. Mais quand ils entrent dans le corps, ils trouvent leur place intégrée où c'était prévu pour qu'ils puissent fonctionner, pour faire fonctionner cette vision et ces messages qu'ils avaient. Quand ils sont dans le corps, donc, ils occupent dans le corps de Éphésiens 4, pour le corps de Christ. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce qu'il y en est des prophètes. Bonne journée. Oh, pardon, moi j'ai deux questions. Si je peux. Voilà. Donc, depuis que tu écoutes là, tu as quand même des questions en fait en toi. Oui. Vas-y. Voilà, on va travailler encore. Attends, prends le ballon de l'eau. Il prend l'eau, tu vas travailler. Il y a le ballon, mais il n'y a pas le ballon. Et qui est. Papa, là, tu fais bonne question. Tiens, mais fais ça. Il y a un en bas, papa. C'est pas que je vais te faire. Il vient ici, là, c'est dit que tu ne vas pas voir. Ouais, ça va suivre un peu le courant. D'ailleurs, je t'en fais, c'est pour terminer. Tu fais ça aussi. Non, c'est bon. On va rentrer peut-être tous les crédits, mais on va aller à la semaine. Pour prendre le frère qui avait le billet, c'est pas comme ça. En bas, c'est vraiment chaque fois, mais il y a toujours le temps de visite. Si on va faire ça. Non, on peut faire. On peut faire. On rentre le lundi soir. On peut faire. qu'on peut faire. D'abord, on a bien assimilé ce qu'on a vu là, n'est-ce pas? C'est bien, non? Ces choses-ci, si on n'explique pas ça aux gens, on est toujours embrouillé. Pourtant, c'est dans la Bible. Simple. Question. Comme maintenant, dans le monde actuel, oui. Il y a les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux ceci. Un prophète qui ment comme le vieux prophète, oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est un faux prophète? Absolument. En fait, maintenant, comme Matthieu chapitre 24 le dit, il y a beaucoup de faux prophètes. Tu vois, sous l'ancienne alliance, comme on a vu dans la première partie là, concernant les prophètes, sous l'ancienne alliance où on a vu ces vieux prophètes là mentir, on dit qu'il lui mentait, mais ça ne se peut dire. Dans la nouvelle alliance, ce n'est pas permis parce que la Bible déclare ne vous mentez point les uns les autres. Or, les prophètes sont censés être les modèles. Les modèles. On ne doit pas mentir. Dans la nouvelle alliance, ce n'est pas permis. Il y a des choses dans la grâce, dans l'alliance qu'on peut voir comme que Dieu tolère. Mais dans la nouvelle alliance, c'est l'alliance de la perfection. C'est l'alliance de la perfection. Parce que la Bible déclare clairement que le sang de bouc n'a rien amené à la perfection. Le sang de Jésus-Christ amène à la perfection. Donc il ne peut pas permettre cette faille-là au niveau du corps pour pouvoir créer l'ambiguïté. Comme l'exemple qu'on a vu dans le vieux prophète, tu ne verras pas ça dans le Nouveau Testament. Tu ne verras pas ça dans le Nouveau Testament. Voilà. C'est pour ça qu'il disait dans cette partie où nous parlons les esprits du prophète là, il parlait de si quelqu'un. Il dit que si quelqu'un se trouve comme ça, alors Dieu a voulu, elle a prévu cette brèche-là. Mais regarde dans la nouvelle alliance, tu vas voir que toute personne qui vient dans le corps naît de nouveau. Et la nouvelle naissance, c'est une naissance naturelle pour pouvoir dépouiller des anciennes œuvres. Ce qu'on appelle le dépouillement de la chair. Les prophètes expérimentent cela. Ils expérimentent cela pour être la personne. Parce que ce sont eux, ils sont les gens matures qui doivent conduire les gens dans la vérité. Il peut donc, Dieu me peut donc permettre qu'ils vivent comme ça. Bon, l'autre aspect de ma question est que Dieu nous demande de croire, oui, en ses serviteurs, oui, de croire aux prophètes, de croire aux pasteurs, de croire. L'exemple de Lazare et le riche, pauvre Lazare, lui, qui lui dit que quand le riche dit que ouais, pardon, avoir sur la terre Lazare, qu'ils ont sur la terre Moïse et les prophètes, qui les écoute, qui doit les écouter. Quand maintenant alors, parce que c'est la plupart de tout son faux. Ça, c'est les pièges dans lesquels nous-mêmes aussi on est tombés. Oui. Parce que on a vu que non, ça c'est un prophète de Dieu, ça c'est un homme de Dieu. Bon, vous avez vu donc comment là, je pose la question, vous avez vu comment? Parce qu'il faut arranger une chose. Là, il faut faire l'équilibre. Dieu n'a pas dit que tous ceux qui parlent en son nom sont de lui. Il nous a plutôt mis en garde. Et c'est l'aspect de la mise en garde que les gens négligent qui les fait tomber dans cette affaire-ci. Sur la chaîne YouTube Bamba Iba, il y a l'enseignement qu'on avait fait en 2012, prophétie et divination dans les églises. Je crois que c'est ça, 4 séries sur la radio Bonne Nouvelle. Il y a encore deux autres enseignements, le berger selon le cœur de Dieu, le berger selon Dieu. Dans cette chaîne-là, nous voyons les caractéristiques. Je crois qu'en France ou en Allemagne, je crois que le frère Ivan n'a pas encore publié cela. On a vu la question comment reconnaître les vrais serviteurs, les authentiques serviteurs de Dieu. Je crois qu'il va publier cela. Il faut voir les caractéristiques parce que la Bible a fait la part des choses entre ceux qui viennent de lui et ceux qui ne viennent pas de lui. Si tu discernes d'après ce que Dieu, les principes que Dieu lui-même a mis, parce que ce n'est pas selon nous, si tu discernes d'après les principes que Dieu lui-même a donné dans les Écritures et que tu remarques que celui qui ne respecte pas ces normes-là que Dieu a mis, Dieu ne peut pas envoyer les gens qui ne respectent pas ces normes, dont leur caractéristique ne respecte pas ces normes. Qu'il a dit, si ce n'est pas ainsi, alors cette personne sont à écarter, même s'ils se réclament de Dieu, connus de Dieu et manifestant même les œuvres spirituelles. Et l'autre, trop souvent, dans nos endroits, dans le sensationnel, dans le sentiment, peut-être ça peut être quelqu'un proche de toi, tu dis, oh, c'est quand même l'ami. Il n'y a pas l'amitié à l'intérieur, tu peux avoir l'amitié avec la chair, mais celui qui est à l'intérieur, l'esprit qui est à l'intérieur, te conduit à la perdition. Et maintenant, de l'autre côté, si tu découvres maintenant que quelqu'un respecte les caractéristiques de la part de Dieu, Jésus donc a dit, comme le Père m'envoie, je vous envoie. Il faut que quelqu'un soit envoyé de Jésus. N'est-ce pas? Maintenant, cette personne, ce qu'il a dit, c'est l'ancien de Matthieu, il dit que celui qui vous écoute, m'écoute. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ceux qui doivent dire les paroles du Seigneur. Parce qu'ils disent les paroles du Seigneur, alors ils viennent de la part du Seigneur et tu es obligé de les écouter. Si tu ne les écoutes pas maintenant, c'est à toi qui vas demander des comptes. Parce que si tu n'écoutes pas forcément, tu n'écoutes pas Dieu, tu désobéis à Dieu. Donc en clair, il faut d'abord, première chose, connaître les caractéristiques des envoyés de Dieu. Parce que les deux sont là, caractéristiques des envoyés de Dieu, caractéristiques de ceux qui ne sont pas envoyés de Dieu, qui sont envoyés de l'ennemi. Dieu a tout mis dans la Bible pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Voilà. Je vais juste ajouter dans ce qu'elle dit là, que lorsqu'on se base sur la prophétie de 2 Timothée 3, là, oui. qui parle justement des derniers jours, lisons. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, oui. car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, jusqu'au verset 4 qui dit. Prends le chapitre 4 même. Chapitre 4. Prends le chapitre 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en insultant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Donc ici, le tableau est bien peint. Le tableau est peint là pour montrer clairement que ce que les gens doivent enseigner sur la terre, c'est la saine doctrine. Maintenant, garde le doigt ici, comme si toi qui allais dans Timothée. Oui. Prends 1 Timothée au chapitre 6, garde le doigt vraiment là-dedans. Mm-hmm. Voilà 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée 6. Lis le verset 3 de 1 Timothée. 1 Timothée 6, verset 3. Tu es dans tes Saint-Lucien là, frère. 1 Timothée 6. Mm-hmm. Tu es dans tes Saint-Lucien. À ce moment-là, tu n'as pas arrivé. 1 Timothée 6, 4. Lis le verset 3. Écoute très attentivement. Mm-hmm. Alors, 1, 2, 3, verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses. Voilà. Donc, on dit clairement que si quelqu'un enseigne de fausses doctrines sans s'attacher aux saintes paroles et à la doctrine qui est selon la piété. Mm-hmm. Et ici, dans ces 2 Timothée 3, 4, il dit que quand il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. La saine doctrine. Ils ont la démangeaison. Ils ont la démangeaison d'entendre les choses agréables. Voilà. Donc, et nous sommes en plein là-dedans, n'est-ce pas? Nous sommes en plein là-dedans. Donc, en réalité, il faut écouter n'importe quel enseignement en vérifiant si, est-ce ici la saine doctrine ou bien est-ce que cet enseignement-ci me pousse à vivre selon la piété, donc dans la crainte de Dieu? Ou bien cet enseignement s'il me relie plus à Dieu, me connecte-t-il plus à Dieu, mais est-ce que ça m'édifie à ce qu'il grandisse dans la connaissance de Dieu? De l'autre côté, est-ce que ceci est quelque chose qui de fin vient pour me faire plaire à ma chair? Il faut que cette question soit répondue quand tu écoutes n'importe quel enseignement. Est-ce que l'enseignement que je suis en train d'écouter maintenant, est-ce que cet homme que je suis en train d'écouter maintenant m'amène beaucoup plus à Dieu ou bien m'amène beaucoup plus à conserver ma personne et ma vie ici? Il faut que ça soit répondu. Si c'est répondu, vous allez savoir quelles sont les questions. Alors, on dit donc, ceux qui vont enseigner selon la chair, si, ils vont faire, d'après ce qu'on avait dit dans ces 2 Timothée 4, ils vont faire l'étude du terrain pour voir les besoins pressants des gens qui sont sur le terrain, vont leur donner les enseignements correspondants. Lisons encore verset 3. Verset 3. Car il y aura un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais il y a la démangeaison d'entendre des choses agréables. Parce qu'ils sont dans la situation, ils attendent ce qu'on veut leur dire, quelque chose qui va les reconforter et au-delà. Pourquoi tu étais malade, maintenant tu ne seras plus malade. Que là, c'est la maladie dans ton corps, c'est pas Dieu qui a voulu. Comme la personne est malade, elle veut vraiment ne plus être malade. Et c'est ça qu'elle veut entendre. Mais ne viens pas lui dire que non, ta maladie là va durer parce que tu n'es pas en train de faire partie de la volonté de Dieu. Elle ne supporte pas ça. Voilà. Car, encore, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Il y a un problème dans ce verset-ci. Le verset dit, ils se donneront. Plutôt, on dit que les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Les personnes qui ne vont pas supporter la saine doctrine, ils ont la démangeaison d'entendre les choses agréables. C'est eux qui vont donner le foule de docteurs. Ça veut dire que c'est par les désirs de ces personnes-là que naissent les prophètes-là, les pasteurs-là, les docteurs-là. Donc, ils viennent pour satisfaire les désirs. Ça suppose qu'on a des patients infâmes dans nos corps. Satan produit donc les docteurs qui vont venir dire ces choses dans la psychologie, la sociologie, l'humanisme en milieu chrétien. Or, on dit ici, il se donneront une foule de docteurs. Ouvre 2 Pierre, voir. 2 Pierre, chapitre 2. Verset Après, on va revenir dans 1 Timothée, chapitre 4, cette fois-ci. 2 Pierre 2. 2 Pierre, tu es dans 1 Timothée. Oui, 2 Pierre 2, maintenant, oui. Allons-y, verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Oui. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. On dit que c'est de même, c'est parmi nous, les chrétiens. Qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomnie à cause d'eux. Alors on va savoir la télévision aujourd'hui. Quel pasteur a fait comme ça là? Ces pasteurs, vous voyez, c'est vous les pasteurs qui font comme ça. La voix de la vérité sera calomnie à cause d'eux. Voilà. Mais la prophétie dit ici que, un, ils vont être au milieu des chrétiens. Deux, ce sont les foules de docteurs qui vont sortir, qui ne viennent pas de Dieu. Trois, ils vont enseigner des choses qui vont attirer beaucoup de gens avec eux. En passant, dit plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomnie à cause d'eux. Continuons. Par cupidité. Stop. Donc, la base fondamentale, c'est l'argent. Voilà. Par cupidité. Oui. Ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Donc, ça dit qu'il va aller dans la Bible. Cherchez les versets bibliques qui parlent de richesse, de bénédiction, de l'argent. L'or et l'argent, notre Dieu, l'or et l'argent lui appartient. C'est voilà pas les arguments que, justement, ceux qui sont trompés utilisent. L'or de l'argent appartient à notre Dieu. À notre Dieu. Oh, le véritable problème, enfin, l'argument que j'ai fait dans, je fais dans l'intervention de la sœur, c'est qu'effectivement, le problème, justement, de la. Comme on dit, c'est-à-dire que tu as parlé de discernement. Il faut pouvoir discerner pour ne pas entraîner par ces faux docteurs. Alors, comment allons-nous obtenir le discernement si vous ne lisez pas les Écritures? On ne lit pas les Écritures. En fait, parce que si vous ne lisez pas les Écritures, voilà, ils vont lire l'Écriture et tordre au sens qu'ils veulent. Voilà. Et nous qui sommes donc étrangers à cette Écriture, on a oublié de. Non, si vous n'avez pas les matchs, vous allez tomber. Voilà. C'est pour cela qu'on dit toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour enseigner, pour convaincre, pour instruire. Si l'écriture est là et tu ne veux pas que ça te corrige, tu ne veux pas que ça t'instruise avant que tu... ça te corrige quand tu étais dans la vie des débauches, dans tout autre dérèglement que tu ne mets pas, ça doit te corriger. Si tu veux que ça t'instruise, tu veux dire, il dit que venez à moi, mes enfants, venez et recevez l'instruction de moi. Il faut que ça t'instruise. Tu vois? Si tu n'es pas convaincu, va dans l'écriture est censée te convaincre. Si l'écriture ne te convainc pas, personne ne peut te convaincre. Si on te dit par exemple Jésus qui dit repentez, vous cherchez à vous baptiser, tu dis que non, j'attends que Dieu me convainc. Il a déjà dit, là, il va faire une interprétation. Si tu crois, tu dois te baptiser. Si tu ne te baptises pas, tu attends que tu te convainc. Comment tu vas attendre? Je veux que Dieu me touche mon cœur. Il envoie sa main, il touche ton cœur, il dit que ça veut dire baptiser. Il a déjà dit quoi là-dedans? Tu vas faire cela, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire que quoi? Nous, chaque personne, tous ceux qui nous écoutent maintenant, vous qui nous écoutez, comme vous nous écoutez, sachez que vous avez la responsabilité de lire l'Écriture. Dans Psaume chapitre 1, il a dit, heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie, qui ne marche pas en compagnie de mon cœur, qui ne s'assoit pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui le médite jour. Il n'a pas dit, heureux le pasteur, heureux le prêtre, heureux l'évêque. Non, il a dit l'homme. Tu vois cela? Donc il dit que, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne fructifie pas. Tout ce qui fait lui réussit. Quand on a vu réussir, on coupe plus d'eau ça. On ne va pas dire voilà qu'il faut quitter le Congo ça, quitter les réunions inutiles, quitter la réunion des gens où on discute des choses, des taux, des ballons, ainsi de suite, des films, pour prendre le temps dans la parole. C'est après ça qu'elle a réussi. Mais aujourd'hui, on va espérer que les gens réussissent en payant toutes les dîmes, en donnant l'argent. Tu donnes l'argent, puis tu donnes Dieu te bénir. Alors que Dieu veut l'obéissance à sa parole. Vous voyez, alors ça, Dieu nous invite là que chacun prenne la responsabilité de lire la Bible. Parce que tu ne lis pas, ne crois pas que tu vas rêver comme ça là pour que Seigneur, dis-moi dans les rêves si celui-ci vient de toi. C'est que Satan va te montrer le rêve concernant un vrai serviteur qui il te montre le serpent. Alors c'est Satan qui t'a montré le rêve. Tu vas dire que le type-ci, je l'ai vu avec le serpent alors que c'est Satan qui t'a montré cela pour ternir l'image de l'homme de Dieu parce que tu as fait le discernement. Jésus n'a pas dit que vous les reconnaîtrez par les rêves. Jésus n'a pas dit ça. Par le fruit. Si tu regardes le fruit, qu'est-ce qu'il porte? Si ça porte des mauvais fruits, Jésus dit, si tu vois cela, si c'est mauvais, ou bien il dit, ou dites-vous que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. L'arbre est mauvais, l'arbre qui est mauvais ne peut pas porter de bons fruits. Il a déjà dit ça, c'est classé. Maintenant, si tu dis, ah, il porte des mauvais fruits, mais quand même, c'est ton problème. Là où tu pars, c'est ton problème. Il a dit, l'arbre bon, bon fruit. L'arbre mauvais, mauvais fruit. Il dit, c'est donc à l'arbre que vous allez essayer. Porte-t-il de bons fruits? Si c'est oui, c'est un bon arbre. Je viens dans une question. Oui. J'ai compris que depuis l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, lorsque, par exemple, Moïse est venu de Dieu, certes, il y avait des contestataires. Oui. Lorsque Moïse est venu de Dieu, on prend, prenons même le cadre de ce que nous avons dit dans un roi. Oui. Le jeune prophète et le vieux prophète. Oui. C'est-à-dire, de par l'Esprit de Dieu, oui. Le vieux prophète reconnaît que voici le prophète de Dieu. Oui. Le jeune prophète, de par l'Esprit de Dieu, il reconnaît que voici. Mais pourquoi dans notre ancien, dans notre nouveau, dans notre nouvelle alliance aujourd'hui, il est difficile que celui-ci ait vraiment du faible nombre là, que la parole de Dieu dit là, Luc chapitre 12. La question que je pose, c'est ce que tu as dit là, c'est vrai pour les prophètes, parce que les prophètes ont l'esprit des prophètes pour pouvoir entrer dans contestation, ou bien entrer dans le plan de quoi, dans la réunion céleste pour savoir de quoi il est question. Combien ont l'esprit des prophètes? C'est que tu remarques, mais que si tu prends l'Ancien Testament, c'est que tu vas prendre l'équivalent d'un vieux prophète, d'un prophète. Parce que c'est seulement eux qui ont l'esprit de Dieu, n'est-ce pas? Ok, maintenant, allons dans la nouvelle alliance. Je pose la question. Montre-moi quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, il dit qu'il croira. Chaque fois qu'il va voir quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, il saura. Mais lorsque l'apôtre Paul, oui. Avant, était dans de l'autre côté, oui. Lorsqu'il se fait baptiser par. Comment on dit ça? Par Ananias. Ananias, oui. Voilà. Se fait baptiser par Ananias. Quand il va maintenant à la rencontre de par ce qui sortait maintenant de sa bouche, oui. Les autres apôtres ont reconnu que non, ça c'est vraiment. Alors qu'ils l'ont contesté. Justement, je pose dans la question, c'est pour ça qu'il dit que montre-moi quelqu'un qui a baptisé le Saint-Esprit. Et une autre personne, et je te dirais que si celui-ci a le Saint-Esprit, et que celui-ci a le Saint-Esprit, se rencontre, même si elle n'a pas comment s'entendre, parce que c'est le même esprit qui va lui dire que c'est là. Le problème vient du fait qu'il y a souvent quelqu'un qui a l'esprit, l'autre qui a la connaissance, l'ivresse, et l'esprit des contestations. Et là, il y a toujours friction. Voici Jésus qui vient du peuple juif, il se tient au milieu d'eux. Les sacrificateurs qui étaient du peuple de Dieu, qui sont ceux qui sont censés diriger le peuple, n'est-ce pas ceux qui ont été contre lui? C'est pas ça le problème. Quand il a laissé ses disciples, c'est pas le même sacrificateur là, qui croyait servir Dieu, qui prenait les apôtres et les fouettait. N'a-t-il pas dit dans Jean chapitre 16, verset 2, il dit, et leurs même, ils vont venir vous exclure de leur synagogue, et quiconque couvre, plusieurs feront mourir pour en rendre culte à Dieu. Quand il tue comme ça, là, il dit qu'à Dieu ne plaise pas. Quand il tue, il dit au nom de Satan. Tu as vu quelqu'un tuer, quelqu'un a vu, il dit au nom de Satan. Il dit à Dieu ne plaise. Autre de tel, si la terre, autre de tel homme. Il dit comme ça, il dit comme ça au nom de Dieu, non. Mais il sait qui? Satan. Alors, quelqu'un qui est de l'esprit de Dieu, qui a l'esprit de Dieu, même s'il ne saisit pas ce que l'autre a l'esprit de Dieu, le dit, il va reconnaître avec son esprit la vérité dans ces choses qui est coriace, mais il ne contestera pas. Il ne dira pas que ceci est faux. L'Esprit de Dieu ne dira pas cela. C'est ce qui s'est trouvé avec l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était monté à une dimension spirituelle où l'apôtre Pierre a dit, c'est la même chose, quand il vous dit là, c'est la même chose que le frère Paul dit dans ses lettres dans lesquelles il y a le point difficile à comprendre. Si la personne qui a marché avec Jésus dit de quelqu'un qui n'a pas marché avec Jésus, qu'il dit des points qui est difficile à comprendre, alors qu'avec son maître, il n'a pas dit qu'il parlait difficilement. Il faut comprendre qu'il était Paul. Tu vois ça? Il dit que dans lesquels il y a des points difficiles à comprendre, donc plusieurs personnes tordent le sens, comme ils le tordent d'ailleurs pour les autres points des Écritures, pour leur propre rime. Donc l'apôtre Pierre, malgré que ces choses étaient difficiles, il n'a pas rejeté. Il savait que comme c'est difficile, il y a des gens, l'Esprit de Dieu va ouvrir à la compréhension de ceux qui doivent savoir comprendre. N'est-ce pas, frère? Il n'a pas contesté, il n'a pas dit qu'il t'a donné. Moi, je suis le capitaine de l'équipe, toi, tu sors lui. Jésus ne nous a pas dit qu'il va envoyer quelqu'un pour nous remplacer. Il n'a pas dit qu'il va. Parce que physiquement, Jésus n'avait jamais parlé de l'apôtre Paul qui était sur la terre. Au milieu de boum. Et quand la lumière apparaît par la porte, il ne va pas dire à Pierre que j'ai dit à moi quelqu'un parmi vous pour se joindre dans le groupe. Vous devez savoir comment reconnaître. N'est-ce pas? Donc, comment reconnaître les vrais pasteurs, les faux pasteurs? Comment les discerner? Un, lisons nous-mêmes la Bible dans la prière. Restons dans le jeûne. Si nous aimons Dieu, ne cherchons pas les hommes, cherchons Dieu pour qu'il nous guide vers les hommes qu'il a destinés. Alléluia. D'accord? Parce que si tu cherches les hommes par toi-même, tu ne vas pas à ton intelligence, pas tes normes. Mais si nous cherchons Dieu, il va nous guider vers les hommes qu'il a désignés. Voilà. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen.